Hey, Tania Baudin! Hey! Tu te demandes sûrement où est Assemblage Requis en ce moment? Pas mal, ouais! Pas mal, mettons qu'on est à 15 minutes du début de l'émission, dans le sens qu'on est en retard un petit peu. Problème informatique! Léger problème informatique. À peine. Écoute, il n'y a rien là. Il y a des petits fins finaux qui sont allés jouer dans les fils. C'est ça. C'est peut-être les rats. Ah, c'est ça qui se promenait tout à l'heure. C'est ça, l'université n'a plus les moyens de se permettre des concierges. Non, vrai, exactement. Bref, il y a des rats partout. Bref, on s'en vient dans quelques minutes. Fait que, attendez-nous. Ben oui, hein, restez là. Sûrement dans genre 5-10 minutes. On vous offre de la musique, ouais. Comme ça. On est fin, c'est gratuit. Prenez-en. Gratuit. Il y en a un pour tout le monde. On revient. Ouais. C'est l'été. Pourquoi commencer à l'heure? T'sais? Ben ouais, tu sais. On peut juste prendre une demi-heure de plus là, de congé avant de commencer cette émission-là. C'est ce qu'on a fait. T'es prête, Tania? Très prête. Parce que je te passe ça, mon âne. Eh boy. Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On a booké Véronique Mire pour bavarder sur la lettre B dans son brillant bloc du Véronictionnaire. Bitches. Et nos chroniques habituelles, Tania is gonna titania. Et une grosse pointe d'adresse. Assemblage Requis commence dans une demi... Non, maintenant. Là, ah, là. Ah ouais, ça va être la fin. Ah oui. Ah oui. Ah. Oh boy. Oh boy. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 5 avril, oui, 2016. Je m'appelle Mathieu Blanc. Et moi, Tania Baudin. Oui, on est en direct en ce mardi pour les auditeurs du mardi. Sinon, on est en reprise aussi vendredi soir et dimanche pour le reste de la session. Mm-hmm. Tania, on commence avec un petit peu de retard aujourd'hui, une demi-heure environ. Ouais, à peu près. Matériel informatique douteux de ces temps-ci. Que écoute, voulez-vous? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ont joué avec des fils en arrière des affaires. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Une fois le problème réglé, j'espère que tout le reste va bien aller pour le reste de l'émission. J'espère aussi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, à l'émission, Tania, on va avoir notre amie Véronique Mire qui va être de retour pour une autre chronique du Véronictionnaire. Elle a été rendue à la lettre B. Chronique sur la lettre B cette semaine et dans deux semaines, la lettre A. On va se rendre jusqu'à la fin de l'alphabet comme on le fait depuis des années. On y va à l'inverse. Et voilà. Donc ça, c'est à 16h30. Autour de ça, il va y avoir ta chronique à toi. Tania is got it. Tania, qu'est-ce qui s'en vient? Je parle de séduction aujourd'hui. Ouh là là. Lover. Ouais. Oh oui. On a une chronique habituelle aussi. Comme d'habitude, on va faire du « ça existe, mais ça ne devrait pas ». On l'a tout à l'heure et on a une grosse pointe d'adresse qui s'en vient d'ici la fin de l'émission. Mm-hmm. Donc, c'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. On a un bon petit moment à passer ensemble. Commençons en musique pour se remettre... se remettre dans le bain, là. De tout là. Ça. Commençons avec Rosie Valant et son extrait Nord-Est. Tout de suite. À son âge requis. Sur C'est fou. 89.1. FM? Ouais. Je ne connais plus ma tête sur rien d'autre qu'un piano. Avant d'essayer d'aimer tout ce que tu détestes, car je ne devenir, car je ne devenir comme les autres, car je ne devenir. C'était Rosie Valant et la pièce Nord Est, assemblage requis. Ah, maintenant, tiens, on va y aller avec quelque chose qui est le fun. On a des difficultés aujourd'hui, ça va pas super bien, mais quand même, on peut s'en sortir tout le temps quand ça va mal en s'achetant des affaires. C'est oui, la plupart du temps, ça nous fait bien, ça nous fait du bien. Ouais, et nous, quand on achète des choses sur Internet, on appelle ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mm-hmm. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique qu'on achète des gadgets ridicules sur Internet. Parce qu'en plus de tout aller mal aujourd'hui côté technique, tout va mal côté Internet aussi. Mm-hmm. Pour aller avec le reste. Donc, le premier gadget, si tu peux m'aider par moment, Tania, sens-toi bien libre. Oui, j'essaie de mon côté aussi, honnêtement. C'est ça. C'est un hamac qui s'attache à votre bureau. Mm-hmm. Il y a beaucoup de produits qui essaient en fait de vous... C'est pas... c'est difficile de se concentrer avec le fond. Juste un peu. Donc, c'est ça. Si vous êtes fatigué au bureau, pourquoi ne pas essayer de dormir un peu en relaxant à travers la journée tout en travaillant? Peut-être pas, dans ce cas-ci, peut-être pas travailler. Mais c'est le Schnapp. C'est un hamac portatif qui s'attache en dessous de votre bureau. Créé par un étudiant du Ontario College of Art and Design University, Akil Rahajo, Schnapp a été inspiré par ses longues heures de travail à l'école. Donc c'est vraiment littéralement un hamac qu'on attache en dessous du bureau. Donc ouais, le bureau, vraiment? Deux côtés, deux attaches, le hamac passe en dessous et il y a assez de hauteur entre le sol et la table pour qu'on puisse dormir confortablement. Ça montre pas comment on entre dans le hamac, j'imagine qu'on se roule sur le côté jusqu'à temps qu'on rentre dans le hamac. J'imagine. Je sais pas trop quoi. Donc c'est ça, c'est fourni avec tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, les attaches, les points d'ancrage en dessous du bureau, le hamac en tant que tel, un petit étui de transport, une petite boîte. C'est super mignon, donc le Schnapp, S-C-H-N-A-P. Ça ressemble un peu au cocon d'Alien dans les films d'extraterrestres, honnêtement. Ouais. Puis imaginez-vous rentrer dans une bibliothèque, exemple au niveau universitaire, puis voir comme 12 cocons en dessous des tables, vous devriez capoter. Mais ça pourrait devenir une mode et tout le monde pourrait être habitué à ça, donc il n'y aura plus c'est de problème. Sûr. Parce que ça, c'est seulement les problèmes de la société qui nous jugerait. C'est vrai. Là-dedans. Moi, je fais jamais ça. Ben non. Ensuite, toujours pour dormir un peu, Airbnb, tu connais le système de location d'appartements qui appartient à un particulier. Donc oui. Tu peux louer un appartement de quelqu'un qui le met sur Internet, Airbnb, donc qui offre maintenant la chance de passer une nuit en plein milieu d'un aquarium géant entouré de 35 requins. Ah, rien de moins. Donc, Airbnb fait un concours en ce moment pour gagner une de ses nuitées dans une chambre de vitre à 360 degrés en plein milieu d'une exposition de requins à l'aquarium de Paris. Trois gagnants chanceux vont être choisis. On ne sait pas si on peut choisir... ces requins qui vont t'entourer. Je pense pas. Leur grandeur, probablement pas. Mais comme on peut voir sur les photos sur assemblagerequis.com, la chambre est très bien garnie avec un beau lit en cercle, des pluches de requins, hein? Mm-hmm. Un oreiller Airbnb, une lampe, une table, un livre de chevet de requins, une alarme, des marguerites. Tout est là pour passer une belle petite nuit autour de vos amis les requins. Mais où la salle de bain? Mais où la salle? Ouais, je sais pas. Puis comment tu fais pour rentrer dedans? Ouais, aussi. Je me dis pas. Parce qu'il faut expliquer que là, c'est comme vraiment juste un cercle. T'as le lit qui est fait en rond. Oui. T'as des lampes, des tables de chevet, tout ça, mais t'as comme rien d'autre. T'as juste comme un lit en plein milieu de l'eau. Ouais. J'imagine que tu dois aller faire pipi avant de te coucher. Un peu comme dans la vraie vie, tu vois. En tout cas, rares sont les gens qui vont se lever dans la nuit pour aller faire pipi. Ça arrive. Mais donc, tu vas faire pipi avant d'aller te coucher. Tu entres, j'imagine, par le dessus qui va ensuite être descendu dans l'eau. Peut-être même que le dessus, lui, est à l'extérieur de l'eau. Et tout ça est scellé, évidemment. Mm-hmm. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, bien sûr. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, aujourd'hui, on relaxe pas mal. C'est oui, l'émission oui, relaxe. Oui. C'est très lousse. Oh, c'est donc une chaise berçante qui va aussi tricoter un chapeau pendant que vous vous balancez. Ben, rien ouais, de moins. C'est le Rocking Knit. C'est donc un étudiant en art et en design, Damien Ludi, ainsi que Colin Pelix. Ça utilise le mouvement de va-et-vient de la chaise pour, avec des engrenages qui vont s'insérer les uns dans les autres. Les engrenages vont tricoter au fur et à mesure que tu te balances un petit chapeau, une tuque ou en tout cas quelque chose du genre. Tu peux t'asseoir comme dans le jardin, comme dans ta cour arrière, tout ce qu'il y a de plus peinard et te balancer. Est-ce que ça tricote plus vite si tu te balances plus vite? Oui, ben probablement, vu que c'est des engrenages, oui. C'est vraiment cool. Très bonne idée, absolument. Donc, évidemment, il faut y aller relax. Oui, moi, c'est je dirais, vas-y plus lentement, mais plus longtemps. Ah, voilà. Moi, c'est ce que je ferais à la place de me dépêcher. Lentement, mais sûrement. C'est ça. Ensuite, Thing Geek, qui a fait un paquet de poissons d'avril. Et apparemment, ben, t'sais, en fait, à chaque année, il y a au moins un produit du poisson d'avril de Thing Geek qui devient réalisé. Donc, il y a des produits fous à chaque année. Depuis les dernières... Est-ce qu'il y a des exemples des dernières années? Je crois pas, mais cette année, on parle d'un réveil matin Star Trek qui crée du white noise avec donc les sons de vaisseaux spatiaux dans l'espace pour t'endormir. Pourquoi pas? Avec un affichage tactile, on peut se... se poser la tête sur l'oreiller et entendre les sons du vaisseau. Ensuite, Magic the Gathering version voyage. Donc, tu sais, Magic the Gathering, c'est un jeu de cartes où on peut jouer, bon, avec des amis et jeter des sorts, des trucs comme ça. Ben, là, tu ramasses des points d'expérience, des points de... un paquet de trucs comme ça. Donc, ici, c'est la version voyage avec des petites, petites cartes. Mm-hmm. Donc, minuscules cartes de... c'est Thing Geek et Wizard of the Coast qui présentent ça. Je t'attends pour la saison de voyage pendant l'été. Donc 120 mini-cartes, MTG, TE a tout le plaisir d'un paquet de cartes Magic normal mais en forme concentrée qui va avec deux paires de lunettes avec des loupes pour mieux voir les petits caractères de ces cartes. Ensuite, le VR Sensory Immersion Generator. Donc c'est pour la réalité virtuelle qu'on amène ça au prochain niveau, dit-il, avec le VR Sensory Immersion Generator qui vous fournit un accompagnement multisensoriel à votre réalité virtuelle que vous avez sur la tête. Donc vous mettez cet appareil-là et ça vient avec des écouteurs et quand votre ami voit que vous allez rencontrer une nouvelle expérience dans le jeu en réalité virtuelle, ils vont tirer sur une gâchette et soudainement, tes sens du toucher et de l'odeur, de l'odorat et du goût vont être intégrés dans le jeu. Donc, c'est de la réalité virtuelle améliorée. Évidemment, ce n'est pas des produits qui existent. Et tu as le Vertical Landing Mentos and Diet Coke Rocket. On se rappelle tous de l'expérience de Mentos dans du Coke Diet. Oui. Mais qui sert de rocket, donc on s'attache dans le dos pour partir voler. Donc, c'est pas mal ça. Et tu as le Bar PG, comme un jeu de rôle, mais de bar. Donc, c'est un jeu où on va collectionner les fréquentations dans des bars, boire le plus d'alcool possible. Donc, ton personnage est représenté par des pintes de bière, chacun rempli du breuvage de votre choix, avec 100 points de hit point au départ et plus de liquide égale plus de points de santé, donc les HP dans les jeux de rôle. Les joueurs vont s'aventurer dans des donjons et vont tourner des cartes, se combattre contre des monstres, mais tu perds des points et t'es forcé à boire ta boisson en fonction du nombre de points que tu perds. C'est pas pire, c'est celui-là, d'après moi, va probablement exister comme vrai jeu. T'as le Attack on Titan Colossal Titan Lawn Ornament. Donc, on parle d'un Attack on Titan, c'est un animé japonais. Donc, t'as un personnage gonflable qui va prendre toute ta maison complète sur le toit. Donc, il a l'air de toucher à ta maison. T'as la, pour terminer, le Use This Light Switch. C'est un bouton de lumière qu'on accroche sur le mur, qu'on fixe au mur, mais qui fait absolument rien sauf la vis du haut. Qui vient rabaisser ton bouton. Donc, tu allumes la lumière et la vis sort du mur pour venir éteindre le bouton. Un peu comme la boîte qu'on voyait sur Internet avec le bouton on-off. Puis, aussi, tu appuyais sur le bouton, il y avait une main qui venait frapper sur le bouton. Donc, c'est un peu le même principe. Ça ne me surprendrait pas non plus que ça existe bientôt. La vente s'est terminée. La fausse vente. Ouais, c'est ça exactement. Donc, c'est une fausse vente. Et là, il y a des produits qui étaient en rabais jusqu'au 4 avril par rapport au poisson d'avril précédent, je crois bien. Donc, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, une rupture, c'est difficile. Oui. Et on sait que de nos jours, la mode est au coloriage. Donc, pourquoi ne pas mettre les deux ensemble lorsque tu te sépares? Colorier. Donc, c'est un livre, Breakup Coloring Book. Oui. Pour vous aider dans votre processus. J'aime beaucoup le titre du livre en passant. Have a nice life, asshole. Exactement. C'est le Breakup Stress Reliever, Swear Word Adult Coloring. Donc, un livre pour adultes avec des jurons et c'est supposé soulager le stress. Vous aurez compris que le titre en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, passe une belle vie troudue. Hein? Si on veut. Pourquoi pas. Il y a un dessin qui s'appelle You Suck in Bed. Ben voilà. T'es nul au lit. Donc, c'est rempli de 50 illustrations un petit peu salées en noir et blanc pour faire oublier votre rupture, passer à autre chose dans votre vie. Les dessins sont très bien dessinés. C'est super joli. Des cactus. Oui, c'est super beau. J'aime beaucoup les hiboux. Les hiboux disent I faked it every time. J'ai fait semblant chaque fois. Tu sais, hein, si c'est la vérité. Hein? Pourquoi se la cacher? Ah, oh, je le veux, ce cahier à colorier là. C'est vraiment cool. Le lien, encore une fois, sur le site de l'émission. Ensuite, pour ceux qui aiment changer de coiffure fréquemment, mais qui ne veulent pas nécessairement changer de couleur de cheveux, mais qui veulent imiter des animés japonais, c'est des perruques anime style. Super fancy, super joli, super pas cher. Donc, c'est une vendeuse sur Etsy qui s'appelle Dreamholic, qui a créé des perruques abordables et vraiment jolies, faites de... c'est du Japanese High Temperature Wire, donc des fils japonais à haute température qui permettent donc plusieurs styles. Très beau à regarder. Ici, ce qu'on voit sur la photo, c'est des cheveux très, très roses, avec différentes teintes de rose, avec des lulus sur les côtés, un toupet bien carré sur le milieu et des franges sur le côté du, ben, des joues. Oui. Si, voilà. Ça monte pas au-dessus de 60$ quand même. Oh! Pas cher, pas cher, c'est pas cher. C'est vraiment abordable pour des cosplays, entre autres. Oui, exactement. Oui, si vous voulez aller à un Comic-Con quelconque, donc entre 38 et 60$. Différentes couleurs disponibles. Steel Grey, Bacano, c'est un genre de rouge. Milky Lavender, qui est super à la mode en ce moment, un genre de rose très pâle, soyeux. Un paquet d'autres couleurs comme ça, donc allez voir assemblagerequis.com. Ensuite, une bouteille intelligente qui peut conserver le vin jusqu'à 30 jours. On a parlé un petit peu la semaine passée, on avait effleuré le sujet. Maintenant, on a plus de détails sur QV. Tu te rappelles du QV? On avait fini la chronique là-dessus la semaine passée. Donc, c'est une start-up américaine de Boston, au Massachusetts, QV, qui a lancé une bouteille de vin intelligente qui permet à la boisson de conserver ses propriétés jusqu'à 30 jours après l'ouverture, grâce à une technologie qui évite le contact avec l'oxygène de l'air. La bouteille peut être précommandée pour 179$, mais ne sera pas livrée avant octobre 2016 pour les résidents de la Californie et du Massachusetts, et à partir de décembre 2016 pour d'autres régions des États-Unis. Après ça, ça ira au Canada et au reste du monde. Elle ne contient rien. Elle doit être chargée avec une autre bouteille livrée par un producteur dans un format spécial, à manière d'un consommable comme une cartouche d'encre, ou on avait dit la semaine passée, un Keurig. Donc, le consommateur ne peut donc acheter son vin qu'auprès de certains producteurs californiens pour des prix allant de 15 à 20$ par bouteille. Le mécanisme possède une valve qui permet de servir le vin tout en évitant que l'oxygène ne vienne altérer le breuvage. Dans des conditions normales, l'oxygène ne permet pas de conserver les qualités du vin au-delà d'une journée. Moi, j'avais entendu dire 3 jours, mais une journée, c'est pas beaucoup. Ah, ouais, c'est pas beaucoup. Une autre start-up du Massachusetts, Coravin, a lancé en 2013 une machine permettant d'extraire le vin de la bouteille à l'aide d'une seringue sans en retirer le bouchon, ce qui permet également d'éviter l'oxydation. Le consommateur client de QV peut ouvrir plusieurs bouteilles en même temps et les charger tour à tour dans la bouteille principale sans altérer le vin lorsqu'il effectue un changement. La bouteille principale est présentée comme intelligente en ce qu'elle reconnaît le flacon qui est chargé de son contenu. On avait dit qu'il y avait un code-barre, quelque chose comme ça dessus. Elle indique l'équivalent du nombre de verres qui peuvent encore être servis, mais aussi des informations sur l'origine et le procédé de fabrication par le biais d'un écran intégré dans la bouteille. Le logiciel intégré offre de noter les vins, ce qui permet de faire des propositions d'autres cuvées correspondant au goût des consommateurs qui peuvent les commander directement via l'écran tactile. C'est une start-up qui a levé 6 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital risque. Le fun pour les gens qui boivent pas du vin à tous les jours, moi je finis jamais ma bouteille le premier jour. Ah ouais? Je suis seul souvent quand je bois du vin. Voilà. La bière, je garde ça pour en ami. Oui, le vin, oui, oui. C'est plus pour relaxer pour moi le vin. Ouais, la bière, je suis d'accord. Je sais pas tant le goût de la bière, c'est vraiment juste le social. T'sais. C'est vrai. Le vin, j'aime le goût. Voilà. On s'en sac, mais c'est bon. Ensuite, le Canet Fit. Pas Canier Fit. Non, pas Canier. Pas Canier Fit. Donc, un collier connecté pour nourrir et retrouver son chien ou son chat. Le Canet Fit est au chien ou au chat ce que le Fitbit est à l'homme ou à la femme. Un tracker d'activité permettant d'améliorer son mode de vie. Après l'homme, puis la machine, c'est au tour de l'animal de bénéficier d'un objet connecté consacré au bien-être et à un mode de vie sain. Le Canet Fit est un pendentif pour chien ou chat dont la campagne de financement participatif a commencé sur Indiegogo récemment. Tout comme un bracelet Fitbit, le Canet Fit mesure l'activité de celui qu'il porte pour prodiguer des conseils. En l'occurrence, l'application indique quelle dose de nourriture il faut donner chaque jour à son chien ou à son chat selon qu'il s'est dépensé ou non. La race, l'âge et le poids de l'animal sont pris en compte ainsi que le type de nourriture ou la marque de croquette. La start-up de Toulouse, Canegat, qui ambitionne de lancer d'autres produits consacrés au bien-être animal, compte ainsi lutter contre le surpoids qui toucherait 30% des animaux compagnie. Oh, wow! Pour encourager les maîtres à sortir leurs animaux, l'application mise sur la gamification, donc les récompenses par le jeu, avec un réseau social interne et un classement. On peut par ailleurs partager le profil de son animal avec son vétérinaire. Ça a été décidé par un designer industriel français et l'appareil qu'on fixe au collier de son animal remplit également la fonction de balise Bluetooth. En exploitant le mode Low Energy, il permet à un animal perdu d'émettre pendant 8 mois pour trouver, un peu comme on peut trouver son iPhone avec Find My iPhone, on va pouvoir Find My Pet, mettons. S'il passe à portée d'un autre membre de la communauté de 30 à 40 mètres, ce membre ainsi que le propriétaire seront alertés. La campagne de financement est disponible maintenant et le Canet Fit à la fin sera vendu au prix de 110$ et les livraisons sont attendues au mois d'octobre. Présentement sur Indiegogo, ça va pas très très vite. Hein. Il reste encore un mois, faut le dire. Ils sont rendus à un beau gros 490$ sur 50 000. Mais ils demandent beaucoup d'argent. Ouais. C'est pas mal, c'est 50 vrai. 000. Mais bon, hein, 500$, c'est quasiment rien. Ça vient de commencer, il faut leur laisser le temps. On va en reparler si un jour ça se rend à son but. On reste dans les le manger un peu les, on a dit tantôt que les animaux pouvaient manger on détectait c'était quoi tantôt en tout cas, bref. Donc une fourchette électrique qui simule le sel dans les plats. Les personnes qui ont tendance à trop saler leurs plats seront peut-être intéressées par ce prototype de fourchette capable de stimuler la langue pour lui faire croire que la nourriture est plus salée qu'elle ne l'est. Oui, on dit que trop saler sa nourriture, c'est pas bon pour la santé. En effet. Ouais, on peut notamment engendrer de l'hypertension sur la durée, donc à long terme. La solution est simple, moins saler ses plats, mais le goût peut en souffrir. Donc la solution se trouve peut-être dans la fourchette Rikimoto de l'Université de Tokyo, où des scientifiques viennent de mettre au point une fourchette aromatisante électrique. Il s'agit d'un prototype capable de stimuler les papilles de la langue grâce à l'électricité. Un peu comme une pile carrée. Ouais, c'est ça, c'est... Pogne un bon gros choc, là, puis t'es correct. Ah, c'est bon. À la base, cette fourchette se destine à tester la perception du goût par les cellules nerveuses de la langue, aussi connue sous le nom de chémorécepteur. Le léger courant électrique appliqué sur la langue fait croire à cette dernière qu'elle est touchée par quelque chose de salé ou d'aigre. Le prototype a donc été retouché pour destiner son usage aux personnes dont le régime doit être pauvre en sel. Les patients qui sont hyper tendus. Concrètement, la fourchette se compose d'une batterie rechargeable intégrée dans le manche qui lui confère environ 6 heures d'autonomie en prolongation prolongée. L'utilisateur doit, dans la version actuelle, appuyer sur un bouton lorsqu'il met de la nourriture dans sa bouche pour que la taille de la fourchette puisse générer l'électricité au moment de toucher la langue. Le degré de salinité ressenti peut être choisi en fonction des préférences de l'utilisateur. Peux-tu aussi juste prendre goût à moins mettre... À moins mettre de sel? C'est bon. Quand même. Les études réalisées par les chercheurs ont démontré que l'ajout d'autres épices comme le poivre ou l'ail accentue l'impression de salé donnée par la fourchette. Cette dernière, dont le prix de production revient aux environs de 17 euros, n'est pour l'heure utilisée que dans le cadre d'un test, pilote dans un restaurant sans sel japonais. 17 euros en dollars canadiens, ça nous donne 25 dollars environ. Ah, c'est pas si pire. Ouais, quand même. Ensuite, on retourne se coucher. On a parlé de dodo en début de chronique. C'est le suvet. C'est le mélange entre un soute comme un habit et du duvet pour dormir un peu n'importe où. Hein? Ou Monsieur Michelin. Ou Monsieur Michelin, en effet. T'as l'air sans la tête. d'une espèce de grosse créature blanche. Ou le bonhomme dans Ghostbusters. Oui. C'est pas mal le même bonhomme que Michelin, je pense. C'est proche. Ouais, il se ressemble. Bonhomme Guimauve. Bref, le suvet, le soute duvet, un hybride, un design d'une firme, du Royaume-Uni. Juice In Hotel Group qui encourage les gens à reprendre leur sommeil perdu en portant un habillement qui vous permet de faire des siestes en public. Et ça encourage les autres en fait à dormir sur vous hein, parce qu'on peut s'accoter les pauses sur ce bonhomme Michelin en tant que tel. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire. Là, c'est vraiment comme un genre de gros manteau d'hiver. Ça ressemble pas mal à plusieurs manteaux d'hiver. Oui, c'est ça. On dirait un gros matelas là, vraiment moltonné. Et t'as le pantalon et le manteau. Et le collet est super grand, donc tu peux faire comme un oreiller autour de ta tête. Mm-hmm. Chic, chic, chic. La personne a l'air de faire comme la moitié de la grosseur du... C'est vrai. C'est bizarre. Mais bon, tout ça en public et tout ça dans des stations de métro et dans les escaliers à New York, ça dérange personne, ça. Ça prend juste deux fois plus de place que ce que tu devrais. C'est ça. T'imagines rentrer dans le métro avec ça? Ouais. Mais tu sais, en même temps, une personne obèse aussi, ça. Ah, bref. Ensuite, pour faire le ménage, tiens... Très bonne idée ici, c'est le sweeper funnel. C'est un peu comme un porte-poussière. En fait, c'est un porte-poussière. Ouais. Dans lequel tu balais tes saletés. Sauf que le bout, dans le fond, le truc que tu prends avec ta main du porte-poussière, ok, est un cylindre vide. Donc, tu peux facilement jeter les déchets dans la poubelle. Ben oui, en effet. Et Caroline, t'as pas à te faire à prendre les coins de ton porte-poussière, puis là, ça tombe à terre parce que ta poubelle est pas assez large. Puis bon. Donc, 60$ pour ça. Boy. Le sweeper funnel pour ne pas faire de dégâts pendant que vous faites le ménage. Ou vous pourriez vous acheter un aspirateur pour à peu près le même prix. Ou tu peux faire un trou dans ton manche que t'as déjà. Ouais, ou tu pourrais juste le mettre en dessous du tapis. Hein? Ouais, aussi. Plein de solutions. C'est un choix. Voilà. Mais c'est beau. Oui. Très design. Ensuite, c'est la tool belt. Lorsque vous devez porter une ceinture pour votre pantalon pour pas que vos pantalons tombent, et là vous vous dites, mais Colin, est-ce que je vais mettre mes pinces puis mes tournevis autour de ma ceinture? Ben oui. Ça? Ben non. À la place, remplace ta ceinture par la tool belt qui a des outils intégrés. Ah, voilà. Ben oui. Donc ici, on a à la place d'avoir les deux pins pour faire entrer dans votre, dans les trous de votre ceinture, les pins sont aussi des tournevis plats et étoiles. Donc c'est fait de cuir waterproof full grain. Ça inclut trois clés des molettes. Donc dans la boucle de ceinture elle-même, t'as une molette, donc tu peux prendre ton bout de ceinture pour venir visser des choses. Donc trois clés, deux tournevis et un ouvre-bouteille intégré dans cette boucle de ceinture low profile pour 30$. Ouais. Ensuite, c'est le Magnetoc. Ça, on a tous eu ce problème-là. Les gens qui portent des habits, c'est pas moi, ça. C'est pas moi du tout. Non. Mettons, des directeurs généraux, directeurs généraux d'entreprise ou des cadres portent des habits. Et là, ils se retrouvent avec leur derrière de derrière de chemise, leur queue de chemise. Hein? Donc, ils sont obligés de la mettre... Attends un peu. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? C'est des aimants. Premièrement, des aimants de néodymium, qui est très, très rare. Donc, c'est deux espèces de demi-cercles, demi-dômes. Et je sais même pas comment... On dirait que la photo est prise de trop proche. Ouais. T'as un peu. C'est le derrière de ta chemise qui n'arrête pas de sortir. Je crois que c'est ça. C'est qu'il n'arrête pas de sortir de ton pantalon. Ça. Donc, c'est deux parties d'aimants qui vont se coller à l'extérieur du pantalon et à l'intérieur de la chemise. Et ta chemise va rester poignée dans tes pantalons. Ouais, c'est ça. C'est comme si la petite boule ferait en sorte que ça va créer un stopper. Un stopper, exactement. C'est ça. Vous allez entrer votre chemise dans votre pantalon et le dôme va faire le travail pour vous. C'est des dômes en silicone texturé qui agrippent l'intérieur de vos pantalons et qui empêchent de sortir. C'est un petit peu comme caoutchouteux, ça empêche de... Ça fait de la friction, si on veut. Donc, les aimants néodymium qui sont très, très puissants. Donc, c'est sûr que ça bougera pas. Les Magnetoc Shirt pour 30$ sur magnetoc.com, M-A-G-N-E-T-U-C-K.com. En fin de compte, une fois expliqué, l'idée est quand même bonne. Des néodymium, j'ai vu des vidéos YouTube avec ça, puis c'est vraiment très puissant. On reste dans ce qui est caoutchouté avec le bracelet Shark Bands qui est supposé éloigner les requins. Ah? Pour rendre votre prochain voyage dans l'océan un petit peu plus sécuritaire, c'est le Shark Bands Shark Deterrent Bracelet, développé en collaboration avec des experts en requins d'expérience et des biologistes marins. Ça utilise une technologie magnétique, quand même, ça reste encore plus dans le domaine de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, hein? En essayant d'éliminer les requins en dérangeant leurs électrorécepteurs hautement sensibles. Il se fie là-dessus pour dans les endroits où il y a beaucoup de... Dans le fond, où les gens nagent. Ils n'utilisent pas de batterie et ça n'a jamais besoin d'être chargé. Ça peut être porté sur la cheville ou sur le poignet. Et c'est disponible en quelques couleurs pour 65$ sur Amazon.com. Plusieurs couleurs, on parle de... Est-ce qu'on les voit les couleurs? Il y a bleu, il y a noir, il y a vert, entre autres. Donc, allez voir ça si vous êtes du genre à nager dans l'eau. Ensuite, pour consommation rapide de champagne ou même du vin ou n'importe quel autre alcool fort, c'est le Shambong. C'est la même idée. Oh, t'as bien fait des beaux yeux. C'est un peu la même idée qu'un bong, évidemment, ouais. pour de la drogue, sauf que c'est pour l'alcool. Eh hey boy! Eh hey boy, le Shambong glace. Ça doit rentrer au poste, là. Absolument. Donc, c'est dans le fond, c'est un peu comme une coupe de champagne. Ouais. Avec le dessous qui serait un petit peu tordu, un peu la comment on appelle ça, la tige tordue, en courbe pour aller jusqu'à ta bouche. Et donc, tu mets l'alcool en haut et ça va directement dans ta bouche beaucoup plus rapidement que ça le ferait si tu buvais par le haut. Comme un entonnoir, finalement. Comme un entonnoir. Donc, on se met... On se recule par en arrière, on remplit ça. Fait que si on veut finir dans un coma éthylique, achetez ça! Absolument. Il y a une petite vidéo de démonstration pour voir comment ça fonctionne. Il y a un petit gif animé aussi. C'est quand même bien fait. C'est un genre de... Un triangle, si on veut. L'angle est vraiment prononcé. En tout cas. Ouais. Ensuite, une machine pour faire cuire le riz, intelligente, à 2500 combinaisons de cuisson. Donc, on dit qu'au registre de l'électroménager connecté après la machine à café ou la carafe d'eau, c'est le cuiseur de riz. C'est la compagnie chinoise Xiaomi. Qui, à l'origine, est fabricant de téléphones, qui complète sa gamme d'appareils domestiques avec le Mi Induction Heating Pressure Rice Cooker, qui mise sur un bon rapport prix et prestation. Donc, le fabricant s'est effectivement offert les services d'un ancien ingénieur du japonais Sanyo, la compagnie Sanyo, Naito Takeshi, co-inventeur du cuiseur de riz haute pression à induction. Et le récipient en acier bénéficie d'un traitement anti-adhésif de grande marque du fabricant Daikin, japonais lui aussi, plutôt que du traitement générique d'un inconnu. En plus d'offrir de belles prestations et un dessin épuré et moderne, l'appareil est aussi et surtout connecté, nous dit Cluebic.com, via Wi-Fi. On peut naturellement l'actionner à distance depuis l'application Mi Home ou My Home, mais on peut aussi photographier le code barre sur l'emballage de riz afin d'ajuster automatiquement la cuisson. 200 marques de riz et 2500 combinaisons de cuisson sont disponibles en fonction des goûts de l'utilisateur. Ce cuiseur de riz sera lancé au mois d'avril, donc bientôt en Chine, au prix de vente conseillé de 1000 won. Donc ça, c'est l'équivalent de 140€. 140€ qui est plus facile à convertir, par formule mathématique savante, à 209$ environ canadien. Il sera donc probablement distribué en Asie pour commencer, mais après ça, peut-être ailleurs dans le monde. C'est pas spécial. Ben oui, du riz, c'est bon, du riz? Ben oui, c'est bon. Les fondateurs de Free, une compagnie de câbles de distribution et télécommunications en France, et Doctissimo investissent 10 millions d'euros dans un bandeau connecté qui analyse l'activité du cerveau et le stimule avec un son pour améliorer le sommeil. Donc, Xavier Niel et Laurent Alexandre, le fondateur de Doctissimo, ont décidé d'investir de l'argent dans la start-up Rhythm. Et ça a déjà 200 de salariés. Grâce à ces fonds, elle va commencer à lancer son produit auprès de premiers testeurs. C'est un casque qui permet de suivre et d'analyser l'activité cérébrale selon la méthode de l'électroencéphalographie en temps réel. Sa promesse est d'améliorer le sommeil. Jusqu'à présent, les objets connectés dédiés au sommeil se résumaient à des bracelets, des montres et pourquoi pas un matelas, mais ils se limitaient surtout à le mesurer afin de vous réveiller au moment jugé le plus opportun. En mesurant l'activité cérébrale, le casque Dream, D-R-E-E-M, proposé par Rhythm, est capable de la même chose, mais il va plus loin car il agit sur la qualité du sommeil. Le principe est le suivant, les capteurs EEG, donc électroencéphalographie, détectent les différentes phases du sommeil. Lorsque le sujet est dans un sommeil profond, il envoie un bruit rose, contrairement du white noise, bruit blanc, il y a du brown noise, donc par conduction osseuse, par le crâne. Celui-ci correspond à une fréquence censée maintenir le cerveau dans l'état qui le caractérise en sommeil profond. Le but recherché est de prolonger cette phase de sommeil durant laquelle l'essentiel de la régénération cellulaire est effectué. Au-delà de son rôle à l'échelle individuelle, le bandeau Dream, s'il se généralise, a vocation à constituer une base de données d'électroencéphalogrammes relatifs au sommeil qui sera croisée avec celle de malades de Parkinson, par exemple, afin de détecter précocement la survenue de pathologies. La société va aussi mener des tests cliniques avec l'Institut de recherche biomédicale des armées sur les habitudes de sommeil anormales. Donc, aux yeux du docteur Munir Shinawi, chef de l'unité fatigue et vigilance de l'IRBA, Dream va aider ces personnes à mieux dormir, mais en menant ces tests en collaboration avec Rhythm, nous allons améliorer nos connaissances sur l'impact du sommeil sur les performances physiques et la récupération. Ça va se vendre. Pour l'instant, ça va être disponible auprès de 500 bêta-testeurs. Et avec le temps, ça va se vendre au prix de... Attention, en dollars canadiens, 520$. Mais c'est pour mieux dormir. Ouais, ok, correct. Si tu divises par le nombre de jours d'utilisation dans ta vie, ça pourrait aller bien. Ouais, j'avoue. Que dirais-tu de pouvoir voir l'intérieur de ton frigo sans l'ouvrir? Ah, ok. On gaspille l'électricité en ouvrant son frigo pour rien souvent, hein? Oui. Donc on regarde plusieurs minutes à la fois, puis après ça on va la garder manger, on vient au réfrigérateur pour voir si ça a changé, des fois que les choses se seraient multipliées. Bref, c'est la compagnie LG qui a annoncé au Consumer Electronics Show au début de l'année, dans sa collection signature, le frigo avec une fenêtre teintée, sur son panneau de droite. Donc pour regarder à l'intérieur, les utilisateurs ont donc à cogner sur la porte pour activer les lumières de l'intérieur du frigo et donc on voit au travers de la vitre teintée. Hein? Et si t'es paresseux, t'as même pas besoin d'ouvrir le réfrigérateur une fois que t'as décidé quoi manger. En plaçant ton pied à la base du réfrigérateur, un sensor va ouvrir la porte automatiquement. Ah, bon. Et ça, on trouve ça tellement stupide parce que dans le studio, ils ont installé un détecteur de mouvement. Oui. Ce qui fait qu'on n'a pas à tourner la poignée. C'est vraiment là, de nos jours, on a juste à tirer sur la poignée, pas à la tourner. Non. Ce qui sauve au moins des millisecondes. C'est trop demandé. Et du mouvement de muscle. Voilà. Bref, selon LG, le détecteur est assez intelligent pour faire la distinction entre un humain et un animal de compagnie. Donc, on n'aura pas à penser au chat qui va passer sous le réfrigérateur et l'ouvrir à chaque 5 minutes. Ah, la vie là, de nos jours est tellement facile. Parce que c'est fou. Ensuite, c'est une poêle qui fonctionne par Bluetooth. Smart Frying Pan. Qui enlève, évidemment, le besoin de penser dans ta cuisson. Hein? Donc, si vous ne savez pas quand retourner votre boulette à de hamburger ou votre steak, peut-être que vous avez déjà fait brûler une poitrine de poulet, peut-être que vous avez fait pocher vos œufs à outrance. Alors, hein? Peut-être. Donc, c'est une poêle Bluetooth, oui, qui va changer ça pour vous. Pantelligent, 12 pouces de diagonale avec un ceinture Bluetooth et une jauge à température qui est construite dans la poignée. Ça fonctionne donc en connectant la poêle à une application iPhone ou Android via Bluetooth. Une fois connectée et synchronisée, l'application Pantelligent va vous donner en temps réel les instructions étape par étape pour faire cuire un paquet de recettes, que ce soit des champignons, risotto, crêpes, zucchini, peu importe. L'application va vous donner chaque étape de la recette tout en vous disant exactement la température de votre poêle. Et si vous devez ajuster la température, parce qu'évidemment, contrairement à un poêle intelligent ou à un four intelligent de la semaine passée, ou de la deux semaines, ici, il va falloir changer nous-mêmes la température du rond. Ah oui. C'est seulement la poêle en tant que telle qui est intelligente. Ça vous envoie des notifications par message texte si jamais vous quittez l'environnement du four, si vous retournez devant votre TV. Ouais. Ça fait bip bip bip. Ah ouais, il va changer ça. Donc, Pantelligent a été lancé sur Kickstarter en novembre 2014. C'était nommé l'une des meilleures inventions de 2015, une des 25 meilleures selon Time Magazine. C'est pas peu cher, ça se vend 200$ américains, disponible sur le site web de Pantelligent, pantelligent.com. Petit prêt à payer pour une vie complète de nourriture facile à faire. Ça, c'est vraiment mon genre de gadget. Ça, ça me ferait peut-être cuisiner. Ça me donne une notification pour que je puisse retourner et regarder la TV pendant deux minutes. Ah, c'est ça. C'est vraiment gagnant pour moi. Allons-y avec les Chip Fingers. Tiens, on va terminer là-dessus. Chip Fingers, c'est pour garder vos doigts bien propres si vous mangez des crottes de fromage, par exemple. Quelle bonne idée. Ou des Doritos, ou les Chip Fingers, l'accessoire ultime pour les collations. Donc, c'est, oui, c'est super simple à utiliser. On les met sur ses doigts et on mange un petit peu en mouvement de... Je sais pas, un mouvement de baguette, presque. On dirait ouais, que presque. Tu tiens des baguettes. Mais après, tu tiens des doigts et tu manges tes chips et tu ne te... t'auras pas à licher tes doigts. Et t'auras pas à saler la console de C'est Fou ou le clavier. Parce que Colin, tout le monde sait que c'est les endroits les plus dégueulasses à vie. Vraiment. Ça et le derrière de l'ordinateur où les gens débranchent les fils. Fait qu'on commence une demi-heure en retard. On va revenir, Ben oui, ben oui. AssemblageRookie.com pour les notes de cette chronique-là. Il y en avait 20 aujourd'hui. Uh-huh. 20 gadgets. AssemblageRookie.com. Mm. On prend une pause et au retour, ce sera au tour de Tania Baudin. Oui. De nous divertir. Ben oui. Avec Tania et Gunnar Tétania, parce qu'on a plein d'autres choses à venir. On a Véronique Mire dans une demi-heure environ. Et après ça, tu as une grosse pointe en dresse pour finir l'émission. Donc, au retour, Tania. It's gonna entertain ya. Oh, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fantastique. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour la semaine du 4 avril 2016. Il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, ce sera Tania et je gagne un Tania. Mais avant ça, on a quelque chose de spécial pour vous, les auditeurs, du mardi. Oui, mardi, là, comme aujourd'hui. Comme dans 5 avril 2016, où il est 16h07. Exactement. La salle de spectacle Le Tipetac, plusieurs spectacles qui s'en viennent et ils ont eu la générosité de nous donner l'opportunité de faire tirer des billets pour leurs shows qui s'en viennent. On les aime fort, donc, fort, fort d'amour. Donc, on a décidé de faire un premier tirage là, comme à 16h07, mardi. Je le répète, mardi, parce que le spectacle est clair. Ben, c'est ça, le spectacle est le 7 avril. Donc, dans deux jours, c'est-à-dire jeudi soir. Jeudi, oui. Jeudi, oui, parce qu'on est mardi. Jeudi soir. Et c'est Philippe Seyss qui va être à la salle de spectacle, le Tipetac. C'est un style blues, rock, soul. C'est un gars de Toronto. Il fait pas beaucoup d'endroits ici au Québec. Il en fait seulement 3-4 pendant sa tournée. Et après ça, il est vraiment en Ontario partout, là, comme il fait Toronto. Il fait vraiment quasiment toutes les villes en Ontario. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup d'occasion de le voir ici au Québec. Donc, si jamais ça vous intéresse. Philippe, ça vous intéresse. Seyss. Ben oui, c'est clair, ça vous intéresse. Et vous voulez gagner deux paires de billets. On a deux paires de billets à faire tirer. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? On nous appelle au 819-376-5183. 819-376-5183. On va vous faire entendre une pièce de Philippe Seyss tout de suite. Ça va être la pièce Let the Love In featuring Melissa Etheridge. On écoute ça et vous nous appelez au 819-376-5183. On attend vos appels. Ça commence déjà, je te le jure. Et là. La pièce Let the Love In featuring Melissa Etheridge par Philippe Seyss, Assemblage Requis. On remercie notre gagnante. Sylvie Lafleur qui se voit gagner une paire de billets. Donc, une des deux. Il en reste une. Là. Oui. Vous avez encore le temps ou vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour nous écrire un message sur la page Facebook d'Assemblage Requis si vous voulez gagner l'autre paire qui reste pour le spectacle de Philippe Seyss jeudi. Au petit pétac. Au petit pétac. Qu'on remercie. On va avoir d'autres paires de billets pour d'autres spectacles à faire tirer d'ici la fin de l'émission. Mais profitez-en pendant que ça passe. Là. On fait pas des concours fréquemment à l'émission. On essaie, mais on n'a pas un million non plus. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Nous, pour l'instant, on continue avec ta chronique à toi, Tania. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain! Les oiseaux m'ont déconcentré. Pas habitué encore. And she's gonna entertain! C'est Tania! J'ai aucune idée de quoi on parle aujourd'hui, moi. On parle de séduction. Ah oui, du lover, tu l'as dit tantôt, lover. Oui, lover. Le lover. Ben, peut-être pas le lover, mais vraiment la séduction, l'espèce de cruise. C'est de ça qu'on va parler vraiment. Les Français appellent ça la drague. Ah ouais. Parce que en fait, il y a récemment, j'ai eu une discussion avec un de mes amis qui est pas nécessairement purement québécois. Il est moitié québécois et moitié latino. Latino. Et puis... On en est venu, en fait, à la conversation que lorsque j'habitais à Montréal, on faisait une grande constatation, mes amis et moi, de dire que les gars étaient beaucoup plus portés à venir nous voir que lorsqu'on habitait ici à Trois-Rivières. Donc, on s'est déjà posé la question, les quatre ensemble dans notre appartement, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec les gars à Trois-Rivières? Sont-ils toutes gênées, toute la gang? Sont-ils toutes gênées, toute la gang? Et là, j'ai fait quelques recherches à savoir, est-ce que les Québécois, en tant que tels, ont de la difficulté peut-être à séduire ou ont de la difficulté à flirter? Comment est-ce que ça se passe du côté des Québécois? Et là, en faisant mes recherches, je dois avouer que je suis arrivée sur un livre que j'ai vraiment beaucoup le goût de lire depuis que j'en ai fait la découverte. Le titre du livre, c'est « Les Québécois ne savent plus draguer ». C'est ça qu'ils le savaient dans le temps. Ah, ça a changé. Est-ce que c'est la question du livre? Il faut savoir. Ça a été écrit par deux journalistes. Donc, Jean-Sébastien Marsan et Emmanuel Grill, qui est... Elle est une Française déjà à la base. Donc, elle a cette espèce d'aspect-là de voir comment ça se passe en France et de voir comment ça se passe ici au Québec. Parce qu'elle est arrivée par la suite au Québec et elle a vu elle-même une différence. Nous, on l'a vu vraiment, les filles qui étaient en appartement avec moi et moi-même, l'avons constaté simplement en changeant de ville. Mais vraiment, est-ce que d'un pays à un autre, ça change tant que ça? Il faut savoir que... il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, c'est sûr que du côté culturel, ça va y jouer beaucoup. Ouais. Je pense que ce qui nous a fait voir la différence à nous dans notre appartement lorsqu'on était à Montréal, c'est que Montréal, c'est très, très, très multiethnique. C'est très, très multiculturel. Donc, de ce côté-là, il y a différentes cultures qui sont impliquées dans la ville. Si jamais tu sors à Montréal, c'est rare que tu vas rentrer dans un bar et il va y avoir simplement des Québécois pure laine. Tu rentres ici à Trois-Rivières, il y a pas mal plus de chances qu'il y ait simplement des Québécois pure laine de souche. Ouais, c'est ça. Dépendant des goûts, là, mais on s'entend dépendant que c'est hétérogène pas mal. C'est ça. Homogène. Homogène. Homogène. C'est linéaire, en tout cas. C'est ça, c'est pareil. C'est tout pareil. Hey, mon vocabulaire aujourd'hui. Hein. Puis, on se disait souvent, ben, c'est le fun à Montréal parce que tu sors à Montréal puis les gars vont venir te parler pareil. À Trois-Rivières, t'as comme cette espèce d'attente là du gars qui va faire comme... non, je veux pas y parler. Mais... Ça, c'est comme l'aspect québécois pure laine. Ouais. Et c'est vraiment ce que le livre met de l'avant, c'est que les gars ont quelque peu de la difficulté avec l'art de bien draguer les femmes au Québec. Mais est-ce que ça doit nécessairement être le gars qui... Moi, pour vrai, s'il y a quelque chose qui me pèle dans la vie, c'est bien quand une fille m'approche. Oui, ben c'est ça. C'est parce que là, on s'est posé la question dans le livre, pourquoi est-ce que ça arrive? Oui. Eux, ils disent que les gars ne veulent plus draguer, mais est-ce que les gars savent draguer? Mm-hmm. Parce qu'en théorie, ce qui arrive, c'est que les Québécois, et là, on remonte vraiment dans le passé, là, au début des colonies québécoises et au début de la Nouvelle-France, parce que c'est vraiment ça, comme ça que ça se passait. Il faut savoir que dans le temps, on prenait pas le temps de draguer une fille. On est arrivé ici, il y avait une fille pour 7 gars. Tu savais déjà laquelle tu voulais? Puis en plus, tu voulais te marier le plus rapidement possible parce que sinon, t'avais pas de terre, sinon t'avais pas de ci, t'avais pas de ça. Donc, de ce côté-là, le côté de la drague et le côté de l'espèce de cruise que les hommes devaient faire n'était pas vraiment présente parce qu'il y avait vraiment une demande, en quelque sorte, envers la femme qui était de « Hein, toi aussi, cause-toi vraiment rapidement, sinon toi non plus, t'en auras pas de bénéfice et tout ça. Ah, » Donc, de une chance que ça a changé. Une chance que ça a changé de ce côté-là. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les Québécois sont encore dans cette espèce de presse-là à tomber en couple et à tomber en couple avec une seule personne et à rester avec cette personne-là toute sa vie. Bien souvent, ça va se voir vraiment beaucoup. Notre génération, nos parents vont être ensemble depuis qu'ils ont à peu près 20 ans. Oui, il y a de plus en plus de divorces par la suite, mais nos parents sont des gens qui se sont rencontrés très tôt. Donc, de ce côté-là, la drague n'a pas été très impliquée non plus. Il n'y a pas eu à courir après nombreuses femmes pour arriver à une seule femme. C'était vraiment un besoin et on dit que les Québécois ont toujours encore cette espèce de besoin-là de sécurité. C'est-à-dire que de savoir simplement avec une personne. Et c'est ce qui fait en sorte que les gars auraient peut-être de la difficulté à draguer de nos jours. Et qu'il y aurait toujours eu de la difficulté à draguer, c'est que c'était pas une nécessité. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'au cours des années, ici au Québec, les femmes se sont montrées de plus en plus féministes. Donc, sont fières d'être femmes, sont fières de prendre leurs propres responsabilités et de faire leurs propres choix. Ce qui veut dire que si un gars te cruise, t'as le droit de dire non. Oui. Et on entend souvent la phrase que c'est les filles qui décident, de toute façon. C'est les filles qui décident. Mais ce qui arrive, c'est qu'au Québec, peut-être que les gars veulent pas se faire tourner de bord tant que ça. C'est difficile. Donc, il y a une espèce... Il y a un aspect dans le livre qui explique que oui, c'est peut-être la faute des femmes québécoises. C'est peut-être la faute des femmes, non? Mesdames, on est peut-être un petit peu trop difficile avec les hommes. Bah, tout le monde est difficile de nos jours, je pense. Bien, combien de fois est-ce que ça t'arrive de dire simplement un compliment à une fille, puis tu vas te faire virer de bord en disant « Non, mais... » J'ai déjà quelqu'un. Ou « Pourquoi tu me crouses? » Parce que automatiquement les filles sont sur la défensive et n'acceptent pas nécessairement les compliments. Tu sais, c'est le fun d'être une fille puis de se faire dire qu'on est belle. Oui. Mais automatiquement, les femmes québécoises vont penser que le gars veut y sauter dessus. C'est vrai que c'est typiquement ça, ouais, j'avoue. Parce que, ouais, m'ayant essayé sur des gens de d'autres places, ça marche mieux que ça. Les femmes québécoises seraient trop sûres d'elles. C'est ce qui ferait un petit peu peur aux hommes québécois de justement arriver dans un bar et d'essayer de la draguer, de la cruiser de façon séductive. Là, on parle pas de... Hey, toi et moi, là, ma chambre est sur le coin de la rue, là. Non, on parle pas de cette cruise-là, OK? On s'entend. On parle vraiment de séduction pour pouvoir entamer quelque chose. Une relation. Et voilà. Ouais. Puis comme je le disais, c'est qu'avant, ça se voyait pas parce qu'on voulait déjà arriver à être en couple. On rencontrait quelqu'un, tu lui demandais, « Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux ça? OK, moi aussi. OK, go. » Allons-y. Ouais. Et c'est souvent encore comme ça. C'est que les Québécois, on est trop sûrs de ce qu'on veut. Donc, de ce côté-là, si ça ne fit pas nécessairement avec nos propres besoins, bien, on va tout simplement laisser aller la personne. Oui, on va souvent ghoster, comme tu as déjà parlé. Exactement. La personne, ça peut aller super bien, ça peut vraiment cliquer, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un facteur, une petite mention de quelque chose. La personne va dire, ah, finalement, OK, ça, c'est fini. Je m'en vais. Vraiment? Ouais. Il y a le choc des cultures aussi. Je le disais tout à l'heure, Montréal, c'est vraiment une catégorie à part. Si on prend Trois-Rivières, à part ici à l'université, si vous vous rendez à la Chasse-Galerie un mercredi, ça se peut que vous vous fassiez accoster 2-3 fois, mais je vous jure que ça ne sera pas par des Québécois pur laine. Je vous le d'expérience promets. Sans toi, ouais, d'expérience, ça ne sera pas par des Québécois pur laine parce que les gars ont peur de se faire rejeter. Et encore une fois, comme le livre le dit, c'est que les hommes québécois attendent que la femme fasse les premiers pas. Oui, c'est vrai, je fais ça. Bien J'aime souvent, ça. C'est ça qui va arriver, mais dans d'autres cultures, exemple les latinos ou encore les français, mais c'est pas les femmes qui vont faire ça. Ça se fait pas, c'est typiquement québécois. d'être de l'avant pour une femme et d'elle-même aller creuser. C'est que tout à l'heure, on disait « c'est la femme qui va choisir ». Ben c'est vrai, ici au Québec, bien souvent, c'est ça qui va arriver. C'est elle qui va décider si elle veut se faire creuser. Et déjà en partant, si elle, elle décide « moi, un soir, je vais me faire creuser par lui ouais. », ben c'est elle qui va faire en sorte qu'il va comprendre qu'il faudrait peut-être qu'elle creuse. Mais si elle décide qu'elle se fait pas creuser par lui, ben elle, il laissera jamais la chance de l'approcher. Et dans d'autres cultures, ben ça, ça se voit pas. Il y a des gens qui vont arriver ici à Montréal qui vont se faire parler dans un bar en étant un gars, puis qui vont faire comme « wow, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. » Tu m'intimides. Oui, tu m'intimides. J'ai même pas le temps de te dire ce que je pense. Puis tout arrive. Parce que lui, c'est la job d'un homme de couper la fille. Exactement. Ça revient un peu à cette espèce de phase féministe-là qu'on voit beaucoup grandir ici au Québec depuis quelques temps. C'est que là, la femme est de l'avant. Donc, elle prend les devants aussi dans la cruse. Ouais. Et vous allez voir vous-même. Je vais encore ressortir mon exemple de la chasse-galerie ici ou encore même le centre-ville de Trois-Rivières. Si une fille veut se faire cruiser, elle va elle-même aller chercher la cruise qu'elle veut. Et c'est rare que c'est le gars qui va y aller. C'est littéralement du cruise control. C'est littéralement du cruise control. Ouais. Vu comme ça, t'as bien raison. Je suis tombée dans mes recherches sur un blog qui s'appelle taxibrousse.ca. C'est en fait écrit par Marie-Julie Gagnon, qui est cette auteure qui a lancé récemment le livre « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout ». Ça l'a fait beaucoup parler parce que justement, ça rentrait un peu dans cette phase féministe-là de pouvoir voyager seule et tout ça. Et je vous invite, je vais mettre l'article sur la page Facebook d'Assemblage Requis, pas de problème, mais je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle en a pensé de ce fameux débat-là. Est-ce que les hommes ont vraiment une peur face aux femmes au Québec? Est-ce que les femmes savent vraiment ce qu'elles veulent? Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a demandé à Louise Masson, qui est une consultante en étiquette professionnelle et sociale, qui était mariée à un diplomate et qui a fait vraiment le tour du monde. Donc, elle a vécu en Europe, elle a vécu en Asie, elle a vécu en Afrique pendant vraiment près de 30 ans. Et cette femme-là en est venue à la conclusion que les femmes québécoises, attention, je vais peut-être en fâcher quelques-unes, mais... c'est que les femmes québécoises seraient peut-être les femmes les plus affamées au monde. Affamées. Ouais. C'est que cette espèce de privation-là de laisser l'homme aller par lui-même fait en sorte que la femme veut absolument se faire creuser. Mais on crée notre propre malheur. Parce que si on laisse pas les hommes de notre propre culture, là, je parle vraiment québécois pur laine, OK? Si on laisse pas les hommes nous approcher... Ben, on a quand même ce besoin-là de se faire séduire. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain veut séduire et désire séduire lui aussi et se faire séduire. Donc, de ce côté-là, les femmes québécoises mènent à leur propre malheur. Ouais. Parce qu'elles mettent tellement de barrières autour d'eux que cette espèce de désir de séduire par eux-mêmes les hommes devient une rage. Devient vraiment... une femme affamée, en fait. Ouais. Une mangeuse d'hommes. Ouais. Et bien souvent... C'est de base, c'est de la bouche. C'est bien. Ça. Mmh. Et ce qu'elle dit, c'est que à travers le monde, elle le réalise, ça. C'est que les hommes qui ont voyagé ici au Québec, qui ont fait quelques temps ici au Québec, disent que, oui, quand t'arrives au Québec, la première chose qui arrive, c'est que les femmes ont l'air de des femmes qui ont rien eu pendant tellement longtemps qu'ils ont l'air de des femmes faciles. Mais sont tellement difficiles que ça en devient un malheur pour elles. T'es parents dans quel bac étudient? C'est une joke. Oui, bon, je visais pas simplement les étudiantes à l'université. Arrête, non, mais c'est ça. Il y a un gars qui dit que les femmes... comment je pourrais dire ça? J'essaie de vraiment le dire dans des bons mots, mais il y a un gars qui habitait en Europe qui est arrivé ici vers la mi-trentaine au Québec et qui a dit vraiment une position radicale par rapport à la séduction des femmes. C'est qu'une femme ne fait pas la cour ailleurs en Europe. C'est vraiment l'homme qui va aller lui faire la cour. C'est lui-même qui va la séduire. Mais là, c'est lui qui se l'est fait faire quand il est arrivé au Québec. Il comprenait pas. Il dit « J'ai jamais fréquenté des Québécoises en étant au Québec parce que j'avais Je savais pas comment gérer la situation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fini avec une relation pour lui. Non, il dit qu'il a simplement fréquenté des étrangères qui étaient eux-mêmes aussi arrivées au Québec. Parce que les Québécoises, ils ne savaient pas comment les gérer. Premièrement, elles étaient trop sûres d'elles. Deuxièmement, elles étaient archi-critiques sur tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils présentaient. Ils sont intimidantes parce qu'elles savent trop ce qu'elles veulent, justement. Et qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche. Donc, justement, cette espèce d'archi-critique-là, si elle n'aime pas ça, elle va te le faire savoir assez rapidement. Mais ne devrait-il pas s'adapter un peu à ça, il me semble? Faut être capable de s'adapter à différentes situations. Oui, il faut. Il faut. Et il y a un article qui est de Lily Boisvert, une journaliste, qui vient vraiment à la défense du séducteur québécois. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, je dis « Ah, ben c'est l'homme qui a peur. C'est les hommes qui sont rigides, c'est les hommes qui sont conformistes ici au Québec, les Québécois pur laine. » Et en le fait, elle dit tout simplement « OK, le livre que je vous ai présenté au tout début s'appelait « Les Québécois ne veulent plus draguer ». Mais par rapport à quoi? Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire qu'avant, les Québécois voulaient draguer? Alors que tantôt, t'as pas mal dit le contraire. Exactement. Les Québécois ont jamais eu l'occasion de draguer parce qu'il n'y en avait pas le besoin, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est un peu ce qui vient aussi... comment je pourrais dire? Qui vient vraiment montrer le contraire rendu aujourd'hui en 2016. C'est que là, on voit depuis plusieurs temps que les hommes n'étaient pas très, très séducteurs, mais que dans les dernières années, avec tout ce qui est médias sociaux, réseaux sociaux, applications de rencontres, multiculturalisme grâce à Internet, on réalise peut-être un peu plus ici au Québec que les hommes devraient peut-être prendre de l'avant face à ça et que les femmes québécoises devraient peut-être se laisser désirer un petit peu plus et moins aller d'affront. Donc, si vous êtes dans un bar et qu'un gars vient vous dire que vous êtes jolie ou vient tout simplement vous demander votre nom, vous n'avez pas automatiquement à penser qu'il veut vous sauter dessus. Mais... c'est sûr que s'il est rendu 3h moins quart... non, mais mettons que... qu'il y a plusieurs bières de prix, ça se peut. Il y a souvent une arrière-pensée à tous ces gens. Il y a souvent une arrière-pensée. Dans les bars surtout, hein? Oui, dans les bars surtout. Mais sinon, la grosse différence, c'est qu'ici au Québec, les gens abordent pas les gens dans la rue. Non, non, non. Ben, quoi que ça se fait une fois de temps en temps... ça se fait une fois de temps en temps, mais c'est rare. Tu l'as vécu toi-même à la cafétéria. Oui, mettons. Mais c'est rare que tu vas aller à l'épicerie, puis pendant que t'es en train d'acheter ton ananas, mettons, il y a un gars qui va venir te dire « Excuse-moi, t'es vraiment jolie. » Et pourtant, c'est le rêve du cinéma américain de rencontrer quelqu'un dans l'allée des fruits et légumes. T'sais. Mais ça se fait ailleurs. Ouais. La seule place où ça se fait pas, c'est ici au Québec. Ouais. Donc, on a cette espèce de sécurité qui est trop présente. Mmh. Parce que de se faire aborder dans la rue, automatiquement, ça fait « Oh my God, agression sexuelle ouais. ». Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont penser comme ça. Et c'est un peu ce que l'auteur du livre disait. C'est qu'ici, au Québec, on a cette sécurité-là de pouvoir se promener dans les rues sans se sentir automatiquement observé ou sans se sentir automatiquement vraiment beaucoup trop voulu, comme en France. En France, ça devient très, très agressif. Les hommes vont siffler les femmes, ils vont les klaxonner sur la rue, ils vont dire « Ah, t'es vraiment belle », mais dans d'autres mots, c'est ça. C'est très, très différent en Europe qu'ici. Ici, on a cette sécurité-là, mais est-ce qu'on l'a un petit peu trop? C'est la question. Ouais. C'est la question et je vous invite à faire vous-même vos recherches et à vous demander « Est-ce que vous êtes du type séducteur lorsque vous sortez? » Et est-ce que vous êtes du type à rencontrer des gens dans des bars? Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui est, ben non. Ça peut être ailleurs, mais en tant que tel, c'est surtout dans les bars. C'est typique ici, ça aussi. Ouais, c'est typiquement québécois de pouvoir rencontrer des gens que dans les bars ou dans les cafés. Mais même encore là, si vous allez au Café Morgane, ici à Trois-Rivières, par exemple... Les gens sont pas là pour causer. Hein? Les gens sont pas là pour causer. Par contre, en temps normal, une occasion de dire à quelqu'un et de séduire quelqu'un, elle est partout. Elle n'est pas automatiquement autour d'un verre dans un bar. Ça doit s'apprendre, mais je pense... Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font de l'argent avec des cours de séduction, apparemment. Ouais. Oui. Ouais. Peut-être. Peut-être. Où ça? Où ça? Au Québec. Ah, au Québec, ouais. Oui. Eh bien, on s'en parle. Ouais, c'est ça. Non. Intéressant comme sujet. Comme je te dis, je connais absolument rien à tout ce qui est cruise. Je m'y perds complètement. Mais c'est très différent lorsque vous êtes, exemple, à Montréal. Parce que nous, on l'avait constaté vraiment en sortant dans les bars à Montréal ou simplement au restaurant à Montréal. C'est cette espèce de multiculturalisme-là qui vient vraiment rentrer en ligne de compte. C'est qu'il y a plusieurs ethnies, t'as plusieurs gens qui sont pas simplement des Québécois pur laine. Et là, t'arrives là, toi, t'es en temps normal Québécoise pur laine et tu te ramasses dans un environnement que tu connais pas en temps normal. Les gens t'approchent. Ici, à Trois-Rivières, c'est toi qui dois approcher. Et souvent, c'est ce que les filles vont penser. Bon, à soir, je me ferai pas cruiser. Il va falloir que j'y aille. Tu fais ça? Ben non, mais c'est souvent comme ça que les filles vont penser. Mmh. S'il y a un gars qui l'intéresse dans le bar, même s'il y a un espèce de contact visuel entre les deux, le gars va... Ce qu'on pense être un contact visuel qui finalement est... Ouais, c'est ça. C'est pas de sa faute s'il louche. Non, mais... Bien souvent, c'est le gars qui va attendre au bar, puis il va attendre que t'ailles la voir. Ah oui? Ah oui. Calé que je connais rien là-dedans. C'est souvent ça. Et ben... Hey, j'en apprends. Alors, messieurs québécois, mettez vos culottes et allez dire à la jolie demoiselle que vous venez de regarder dans les yeux qu'elle a des beaux yeux. Slogan, mettez vos culottes pour pouvoir les enlever plus tard. C'est ça. J'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, je trouve ça parfait. L'article sur la page Facebook d'Assemblage Rocky. C'est facile, premier résultat. Justement, tantôt, on a parlé de la page Facebook et on voulait vous faire tirer des paires de billets. On a comme beaucoup de paires de billets pour le spectacle de Philippe Seiss. S'en vient jeudi soir au Tipetac. On va en avoir d'autres pour d'autres bands et artistes plus tard dans l'émission. Mais là, on va en faire tirer l'autre pour Philippe Seiss tout de suite. Au 819-376-5183. 819-376-5183. On prend le quatrième appel. C'est pour les auditeurs du mardi. Nous sommes le 5 avril, 16h32. Appelez-nous maintenant 819-376-5183. Pour l'instant, on écoute Ray Spoon avec une pièce du palmarès anglophone. Voici Armor. Dans l'assemblage requis sur ce fou. 819-376-5183. Stone I placed was to be Spoon, la pièce Armor, assemblage requis, on adore Rick Spoon. Félicitations à notre gagnant pour le concours. Jean-Christophe Grégoire qui vient de gagner la dernière paire de billets qu'on avait disponible pour le spectacle de Philippe Seyss le 7 avril au Tipetac. Génial, on a d'autres billets pour d'autres spectacles plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Au retour de la pause, Véronique Mire et son Véronictionnaire, restez là. Aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis pour la semaine du 4 avril 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oui, on est en direct des studios de Fou en ce 5 avril, la journée des concours. Avant de passer à notre concours, parce que c'est, oui, c'est pas mal la majorité de l'émission d'aujourd'hui. C'est vrai. Entre autres avec nos chroniques et tout ça et tout ça. Mais on a enfin l'honneur de réaccueillir aux deux semaines pour les deux prochaines périodes de deux semaines. Donc jusqu'à la fin de la session, pas mal. Notre amie Véronique Mire, que voici avec son Véronictionnaire. Hey, calma! Bonjour à toi, Véronique Mire. Hey, salut tout le monde! Comment est-ce? Salut vous deux. Oui. Ça fait tellement été, j'aime ça ton fond. Ouais, je sais donc, c'est tellement parfait. Bref, qui donc a trouvé ça, hein? Live à la radio, vous l'avez. Oui, exactement. Donc, Véronique, qui nous présente depuis plusieurs années, en fait, on a commencé par la lettre Z, plus, ben deux, c'est plusieurs. Depuis plusieurs années, donc deux, de la lettre Z à la lettre A, des mots de vocabulaire pour essayer de nous améliorer la connaissance. Nous qui, disons, connaître tant de choses, en fin de compte, en t'écoutant, on voit qu'on connaît pas grand-chose. Tu viens valider souvent des choses. Absolument. Aussi. On a été rendu à la lettre B, donc l'avant-dernière. Oui. On va finir à la session avec la lettre A, mais une chose à la fois. La lettre B, bonjour et Baudin. Bienvenue, Baudin. C'est beautiful. C'est beautiful, c'est tellement beautiful. Donc, de quoi est-ce qu'on parle pour commencer? Ben là, c'est encore en mode matin, hein? Puisqu'avant, je venais à 7h30 le matin. C'est fini, ça arrête de vivre dans le passé. C'est fini, c'est ça. Fini ce temps-là. Back to the present. Ah, quand même. Mais bon, ça donne que mes trois premiers sujets sont liés à des choses qu'on peut manger au déjeuner. Oh, un bol, ça y est. Sinon, un bagel, peut-être. Ouais, un bagel, banane. Ça serait bon. Une banane. Est-ce qu'on a au moins un point? Ben, non. Vous avez bagel. OK, ah, good. Ouais. Ouais. Quelque chose, un aliment très populaire, là, que le monde capote. Pis, le bacon. Le bacon. Oui. Puis un condiment. Je commencerais par B. Ben, condiment. Ah, ouais. C'est bien. Quelque chose qui sert à tartiner. Bleuet, non. Du... De base. Du beurre de pinotte? Ben oui. Même plus de base. Que du beurre. Du beurre. Du beurre. Exactement. Cool. Ouais. Donc, bacon, beurre et bagel. Génial. Quel beau combo. C'est pas fait, ça commence bien. Fait que c'est sûr que le bacon, c'est un sujet qui a quand même été exploré maintes et maintes fois. Mais pour ma part, ben moi, j'aime quand même beaucoup le bacon. Mais malheureusement, à un moment donné, j'aimais tellement ça, moi, comme beaucoup de choses que j'aime manger. J'en mange trop à un moment donné, puis je m'écœure. Ouais. Donc là, je me réconcilie avec le bacon, puisque je me suis... Comment on peut dire ça, j'ai adopté la mode de cuisson au four. Ah, c'est tellement la meilleure façon de cuire du bacon, si tu l'as jamais essayé, Tania? Ben oui, j'ai déjà essayé ça. C'est la meilleure façon, je crois. C'est, pour les auditeurs qui savent pas ça, là, c'est vraiment encore meilleur. Ouais. Oui, vraiment. Donc, en bref, là, la méthode, c'est tu préchauffes ton four à 350, t'enlignes tes tranches de bacon, autant que possible. Faut pas trop qu'il soit une part dessus l'autre, ça peut chevaucher un petit peu. À peine. 10 minutes d'un bord, 10 minutes de l'autre, t'absorbes le gras avec un papier Scott Towel. Ouais. Puis c'est fait. Faut vraiment, là, si tu tiens absolument. Ouais. Je le fais pas nécessairement. Et aussi, un autre conseil, de pas prendre du papier d'aluminium pour le fond de ta tôle, d'y aller avec du papier parchemin, ça colle pas pente. C'est vrai. Ben, c'est ça qu'ils disent, mais sais-tu, moi j'avais oublié ça. Puis les deux dernières semaines, j'ai fait le cas du bacon avec du papier d'aluminium, puis j'ai aucun problème. Ah ouais? Aucun problème. Ah, okay. Il y a même pas, je me disais, il va surcuire, hein, parce que souvent c'est ça. Même pas. Ben, c'est le fait que tu le mets à 350 degrés, je me suis dit, ça doit être ça. Faut pas y aller. Ceux qui veulent, genre, y aller trop vite, puis qui mettent leur four à 450 au max, non. Puis du bacon trop cuit, c'est vraiment pas c'est bon. Jamais là. Bon. Ça goûte le caoutchouc, hein. Quand même, moi, je jette du bacon parce qu'il est trop cuit, c'est parce que c'est pas bon. C'est non, triste. Et hey, puis au prix qui est rendu, je là. C'est bien. Il faut que tu checkes les spéciaux parce que ça a pas d'allure. En tout cas, je sais qu'on parle d'un sujet qu'on aime, fait qu'on va passer plus de temps là-dessus, mais du bacon, pour vrai, allez-y avec les vraies marques. Moi, je trouve que c'est meilleur les vraies marques que... C'est quoi une vraie marque? Maple Leaf, la fleur. Genre la fleur, pas la marque du magasin. Sélection, là. Ouais. Puis là, la semaine passée, moi, c'est la première fois que j'achetais ça, du bacon de la Coupe du Centre. OK, du centre. Oh my God! Ah ouais? Je sais pas. C'est tellement bon, c'est quoi, là. Plus gras, moins gras? Moins gras, okay. Plus épais. Oh! C'est winner, hein, j'avoue. Maudit. Ouais, j'avoue. Et on a manqué notre chance, ça a fini. Je suis allé chez AEW hier, ça venait de finir avant-hier, le spécial sur le bacon de poivre. Vous l'avez manqué, mais c'était excellent. Oui. Quand ça reviendra, le bacon de poivre chez AEW, allez-y. OK, on va surveiller ça. Ouais. Puis, ben c'est ça, hein, le fait de cuire son bacon, c'est juste de ça que je vais vous parler de la cuisson au four, parce qu'en fait, il y a plein d'avantages. Pas besoin de laver la cuisinière, parce que ça revole pas partout. Même dans le four, ça revole pas partout. Je veux vraiment laver la personne qui fait ta cuisine, genre. Tu sais, la petite cuisinière en arrière, là, Manon, t'en laves. Puis tu sais, tu peux cuire ton bacon en bédaine parce que tu ne te fais pas attaquer par le gras de bacon. Hey, ça fait mal, hein, des splashes de gras de bacon. Pas besoin de rester à côté pour le surveiller. Plus besoin de crier de ne pas jeter le gras parce que tu peux juste attendre qu'il fige. T'enlèves le papier parchemin, c'est réglé. Ça devrait être votre seule façon. C'est plus uniforme comme cuisson, puis... meilleur argument, tu peux en cuire plus. Vraiment. Ah, ben voilà, c'est dit. Hey, mais ça, là... En tout cas, moi, je les mets dans un sac Ziploc au frigidaire, puis là, une fois, t'as entendu... Moi, une petite tranche de bacon, est très bien. Génial. Peut-être que... Voilà. Je me demande si ça fonctionne dans le four grippin. Je me demande, faudrait l'essayer. Dans le four grippin, probablement. Mais tu peux en cuire moins parce que c'est moins gros. C'est ça. Mais c'est le fun parce que tu contrôles tes portions. Bref. Ben oui. Après bacon, t'as dit qu'il restait... Ben là, on est dans le gras. Fait que mon deuxième sujet qui était gras dans mes trois premiers, le beurre. Ah ben oui. Donc, l'origine du beurre. Donc, évidemment que pour faire du beurre, ça prend du lait. Oui, en effet. Donc, il fallait attendre 8500 avant Jésus-Christ pour que l'animal appelé un auroch, là, c'est lui qui a donné naissance à la vache, soit domestiqué, puis qu'on se rend compte que, hey, on peut prendre du lait dans cet animal-là. Mmh. Donc, 3500 avant Jésus-Christ, les Sumériens ont appris à barater la crème pour, en fait, barater le lait pour prélever la crème, bon, qui est devenue moins gras. Les Romains avaient un profond dégoût pour le lait en bois parce que ça venait d'un animal, bon, l'espèce de processus aussi et tout ça. Par contre, ils s'en servaient abondamment comme produit cosmétique. Ah bon? C'est vrai, ils prenaient des bains de lait, eux. Oui, c'est assez ironique, hein, Cléopâtre, là, quand on pense à ça. Donc, jusqu'au 16e siècle, c'est un produit qui est très peu utilisé en cuisine, le beurre, parce qu'on même on lui préfère le lard, le saindoux, les huiles d'olive, les huiles de noix. Puis, on dit même que c'est un condiment, si on veut, qui est utilisé surtout par les pauvres. Donc, c'est un peu répugné. Il était interdit de consommation pendant le carême et les jours maigres, mais quand il y a eu la réforme protestante, ben c'est une des premières choses qu'ils ont fait, eux autres, d'abolir toutes les restrictions alimentaires, de dire « nous autres, là, on est bien plus free-for-all que tous les catholiques, là, donc le beurre, il n'y a pas de problème ». Alors, quand le beurre a été introduit sur les marchés, on le vendait frais, soit en motte, qui pouvait aller jusqu'à 30 kilos. Une motte de 30 kilos, quand même. Beaucoup. Je sais pas si mangeait ça à cuillère dans le temps, là. Mais... J'espère pas pour eux. Ou des petits pains d'une livre. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas développé les méthodes de conservation. Donc, quand il y avait des longs transports à faire, ben ils se rendaient à bon port, mais ranci. Donc, ils étaient plus bons à consommer. Alors, pour pallier ça, ben, on a développé les beurres de longue conservation salés ou fondus. Ah, c'est pour ça. Donc, puis là, Napoléon III, en 1866, lui, il a développé un concours. Il dit, pour découvrir un produit propre à remplacer le beurre ordinaire pour la marine et les classes sociales peu aisées, ce qui a donné naissance à... La margarine. Exactement. Donc, ça a donné naissance à la margarine. Pas la même chose. C'est le pharmacien... Hippolyte Mège-Mouriès, qui est français, probablement, toujours de même, parce que Napoléon, hein, donc, qui a inventé la margarine. Le brevet a été déposé en 1869. Puis là, ben, il y avait plein de mises en garde. On a donné à ce produit les noms de Simili Beurre, Beurine, Oléo Normand, pour dérouter le public qui est absolument lésé parce qu'on utilise des vieux suifs puis de la mauvaise qualité d'huile, là, bon, puis tout ça. Donc, là, les gens étaient un peu outrés, là, de la margarine. Alors, ils ont inventé des vérifie-beurre. Ah, OK. Pour s'assurer que ça soit vraiment du beurre. Mm-hmm. D'ailleurs, d'autres, comme Timothée Trim, lui, par contre, trouvait que la margarine, c'était vraiment bon parce que ça permettait justement aux pauvres ou aux enfants de familles pauvres de pas juste manger du pain sec, de pouvoir au moins mettre un petit quelque chose sur leur pain. Ça donne un petit peu de goût, c'est vrai. Mais il a poussé quand même son idée un petit peu loin. Lui, il avait envie de faire élever une statue en margarine à la gloire du pharmacien Hippolyte Mejmouet. C'est drôle. Un peu zélé. Wow. Donc, voilà pour le beurre. Et mon dernier des trois aliments du déjeuner. Les bagels! Les bagels! Et oui! Donc, quelles sont les deux villes nord-américaines qui sont les fiers fabricants de bagels? Américaine. C'est pas Boston? Ben, nord-américaine. Donc, ça peut être Canada et États-Unis. Okay. Montréal. C'est pas... Ben, ouais, ben, c'est sûr que Montréal, oui, c'est oui, classique. Oui, Montréal, c'est exactement. Montréal, puis... Pensez au bagel pomme, là. Il y en a un. New York? Oui, exact. Ah, ouais. Montréal et New York. Donc, le bagel de Montréal contient du malt, qui est utilisé dans la fabrication de la bière. C'est de l'orge germée qu'on laisse sécher. Merci d'avoir fait ça. Ça fait plaisir. Donc, malt, œuf légèrement sucré. Et ce bagel-là a été bouillanté dans de l'eau adoucie au miel. C'est ça qui nous a surpris, parce qu'on a déjà parlé de faire bouillir des bagels à un moment donné, puis Tania et moi, on avait de la misère à comprendre comment faire ça, mais c'est comme ça que ça se fait. Oui, donc le bagel de Montréal est plus sucré que le bagel de New York, qui, lui, est légèrement salé et bouillanté dans de l'eau ordinaire, tandis que celui de Montréal est ébouillanté dans de l'eau au miel. Puis le bagel de New York est plus gonflé et plus croustillant. Les deux sont bons, là. Il n'y a pas de gagnant à déterminer entre les deux. Là. C'est ça. Mais bon, on dit que c'est bon, les bagels. Ben, je pense que c'est de là que viennent les fameuses pretzels de New York. Hein? Oui, les. C'est pas les quelqu'un qui avait manqué son bagel. Mm-hmm. Il me semble que oui. Puis même, les pretzels de New York ressemblent plus aux bagels de Montréal. Ah, c'est vrai. Ils hein? sont plus petits, ils ont un trou plus gros. Puis ça, la pâte est un peu plus semblable, mais c'est plus salé, là. Le pretzel que le bagel. Puis à Montréal, si vous voulez essayer des bons bagels, là, allez chez Fairmount. Ben oui. Ah oui, tellement. Fairmount Bagel, donc, qui est fondé en 1919 par Isadore Schaufman. C'est la plus ancienne boulangerie de bagels à Montréal qui existe. Ils font des bagels 24 heures sur 24 à la semaine, à l'année longue. Les bagels plein goût, là, ou au bacon. Oui. Il y en a, là, justement, je m'étais mis le site en référence, là, puis ils ont tellement de sortes variées. Bon, les classiques, là, au sésame, graines de pavot et compagnie, mais ils en ont au chocolat, au seigle noir. Ils ont ce qu'ils appellent un bagel qui s'appelle le Bozo, qui est trois bagels entortillés en un seul bagel. Parsemé de graines de sésame. Un genre de gros bretzel, si on veut. Ouais, ouais, quasiment. Ou les anneaux olympiques, je sais pas quoi. Pareil. C'est vraiment original. Le bagel sucré, bon... Il y en a de d'autres couleurs aussi qui sont le fun, des fois. C'est pour ça, la Saint-Patrick, oui. Des fois, on voit des bagels verts. Des bagels verts, ouais. J'avais jamais j'ai vu ça. Une photo de ça sur Facebook, ouais, puis je suis un petit peu restée sceptique, par exemple. Un bagel vert. Ça doit être pareil comme le vrai colorant. Ça, ouais, c'est sûr que c'est du colorant, mais à vue... C'est un petit c'est peu, un petit peu ouais, c'est comme non. Le ketchup mauve dans le temps. Ah oui, ah, ouais, c'était pas bon. Pas sûr, hein? Donc voilà pour le bagel. Un petit sujet court. Becky Bobo, ça vous dit quelque chose? Ben ça? Oui, quand on se fait mal. Ben oui. Saviez-vous qu'il existe un ourson Becky Bobo? Non. C'était pas l'ourson qui guérissait, ça? Ben en fait, c'est un ourson qui a été inventé ici au Québec, qu'on peut utiliser froid. C'est pour les enfants, là, surtout. Pour soulager les maux de dents. Oui, ouais. C'est ça. Les oreilles, les otites, ou réduire l'inflammation. Aussi qu'on peut utiliser chaud pour les maux de ventre, les contractions, les montées de lait pour les mamans. C'est pas comme une bouillotte faite en ours, ça? Oui, oui, oui. C'est un petit genre de sac magique en forme d'ourson. En forme d'ourson, oui. Ça me dit quelque chose, ça. Puis, les dimensions de l'ourson représentent la taille rassurante de la main d'une maman. Voilà. Et son poids fait qu'il peut être posé sur l'abdomen de l'enfant sans qu'il y ait de danger, comme le sac magique qui serait peut-être trop gros là, ou trop pesant. Ouais, trop long peut-être. Ouais. Donc, ouais. Je trouvais ça intéressant. Je suis tombée là-dessus sur Internet. Mon prochain sujet, je vais me placer comme ça. Oui. Pour que tu vois, il va falloir que vous deviniez c'est quoi. Ah, OK. D'accord? Petit jeu. Oui. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe promotionnel. OK. Ce n'est pas un vêtement, du moins. Pas seulement. Disons que la protection n'est ni son intention première, ni sa vertu cardinale. Il n'est pas un effet, il se contente d'en produire. on comprend mieux que d'emblée, chacun préfère parler de lui comme d'un phénomène social, moral ou religieux. Assurément, les slogans publicitaires de l'époque disent vrai, la première bombe anatomique. Hein? Bombe anatomique. Anatomique, le corps. Par... Bombe. Le bain, là. Ah, ce n'est pas un vêtement. Ce n'est pas un vêtement. Alors, recommence ça au début, il faut qu'on le trouve là. Hey boy. Okay. Ce n'est pas un vêtement, du moins pas seulement. Pas seulement un vêtement, c'est un vêtement, mais pas juste ça. Des bas? Non. Bobette. Vous êtes pas loin, là. Brassière? Non. C'est bon. J'aurais pu. Boucle d'oreille, c'est pas un vêtement. Non. Un bon, man bon. Un bonnet? Bon. Bonnet? Non. Bonnet de douche, non, bonnet de bain. Un phénomène social, moral, religieux. Ah, ça vient de. Produit de l'effet. Produit de l'effet. Je vais vous donner la deuxième lettre. Ouais. Ok, I. I. Bi. Bi. God, c'est dommage difficile ton jeu, on est dommage mauvais. Ouais, vraiment. Non. Hey, je suis meilleur que ça au jeu de société. Bon, si je vous dis. On ferait le pire jeu de Bikini. Bikini! Les bikinis! C'est religieux, ça? Ben, tu caches pas grand-chose avec un bikini. Ah, c'est il y a vrai. Pas là se montrer de nombril dans le temps. Ça a soulevé ça. Les passions, en tout cas. Ouais. Donc, le bikini... Et d'autres choses que ça a fait soulever aussi. Hein, Véronique? Aussi, quand même. C'est d'abord un Américain qui a tenté d'amener ça sur le marché. Donc, Jacques Haim, donc l'effet atome, donc le plus petit maillot de bain du monde, duquel un créateur français s'est inspiré pour lancer encore plus à l'avant, donc Louis Réard, qui a décidé d'appeler le morceau de vêtement, bon, si on veut, ou les deux morceaux de vêtements, un bikini, tirant son nom de l'atoll, un atoll sur lequel les Américains venaient tout juste de faire des essais nucléaires. Oui, les premiers essais nucléaires. C'est des trucs de bombes qui m'ont mêlé dans c'est tes ça. Indices. C'est pour ça qu'on parlait aussi de bombes. Tu sais, l'autre jour, je disais que je joue souvent à Trivial Pursuit. Ouais. Bon, ben il y a une question où qui demande pourquoi est-ce que le bikini portait le même nom qu'une bombe? C'est ça. C'est à cause de ça. C'est l'atoll. Donc, c'est le fait que c'est pour une bombe anatomique, c'est des bombes qui portent ça et tout ça. Donc, le nom était voulu dans ce sens. Évidemment que ça a suscité beaucoup de réactions. Là. Bon, les religieux n'étaient pas contents. Il n'y avait aucun mannequin qui voulait faire de promotion pour ça. Lui, il a fallu qu'il se tourne vers une danseuse nue du Casino de Paris qui a décidé que ça ne lui dérangeait pas là, de faire la promotion du bikini. Quand on est revenu du côté des États-Unis, là, c'est les pin-ups hein, qui ont commencé à emporter comme Marilyn Monroe, c'est évidemment. Bon, et encore plus, les icônes du cinéma du 7e art, comme Brigitte Bardot. Et aussi, dans James Bond 007 contre Dr. No, il y a Ursula Andress, donc la James Girl. Ouais, la Bond Girl. La Bond Girl. Bond Girl, ouais, c'est ça, qui en a porté une. Donc, dans les années 70, là... Il n'y avait plus aucun problème, le bikini était là. Donc, voilà pour dernier sujet de... Caroline, ça nous a fait ça short. De la lettre B. Quasiment trop short. Ah ben non, mais je suis pas fini, là. OK, il me semble aussi. OK. Je vois ça rapide, pas mal. parfait, cool. Donc, on va revenir avec une autre partie de la lettre B dans quelques instants. Mais avant ça, on va entendre une pièce de Etoubroussé. Etoubroussé, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est une pièce du palmarès anglophone. Ouais, ben je pense que tout le monde l'a compris. Ben oui, hein. Donc, Etoubroussé, qu'on s'en va entendre avec leur extrait Hey Blue, tout de suite. Sur C'est fou. Dans vos oreilles. Back to back with the downtown winds, the king is in his story. We'll be right back. eyelids for you. Something about this picture is not right. Et tout broussé avec la pièce Hey Blue, broussé comme dans Babe Ruth, hein? Ah ben oui. C'est l'être B qu'on découvre et qu'on manque, là, je manque de moi en B. Qu'on bricole. Qu'on bricole, oui. Une chronique, ouais, ouais. Qu'on babiole. Babiole, oui, des babioles, c'est bon, ben ça. Oui. Des beaux mots. Des beaux mots. Avec Véronique Mire. Donc, la lettre B qui continue. On va terminer sur la lettre B aujourd'hui pour passer à la lettre A dans deux semaines. Comme on le fait, on suit la ligne du temps. Donc, quel prochain mot en B nous proposes-tu, ma chère? Juste avant de partir en pause, on a parlé de bikini. Oui. Mm-hmm. Donc, tandis qu'on est proche de l'eau, j'ai décidé de vous parler de bain. Ouais, ben ah, ouais. Ben oui. Tu peux prendre ton bain avec un bikini si tu veux pas te faire avoir, mais non, aussi. Mais tu faisais pas ça quand t'étais petite, prendre ton bain en costume de bain? Tout à fait. Les bains. Hein, donc, l'origine des bains. Alors, on sait que les Romains aimaient bien les thermes, là. Les thermes, T-H-E-R-M-E-S. Oui, okay, donc, okay, les bains chauds, tout là. Ce qui, ouais, et tout ça. Eux, c'était des bains dans le marbre ou la mosaïque. Hein, ah oui, c'est vrai. Donc, il y avait ça. Ensuite, à l'époque de Pompéi et Herculanum, on a découvert qu'il y avait des bains en bronze. Mm-hmm. Mm-hmm. Au Moyen Âge, on a fait une drôle d'incartade. C'était des bains en bois. Oui, oui, oui, dans ouais, ben oui, t'as jamais mais, ça. J'imagine, mais non, absolument pas. Mais c'était pas un peu quand t'étais plus défavorisé, mettons? Ben, je vais y revenir plus tard, mais c'était pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Effectivement, hein? Oui, c'était pas pour tout le monde. Donc, fait que ça devait moisir. Probablement que t'avais des écharpes sur les fesses. Hey, c'est clair, j'avais pas pensé à ça. Faut que tu flottes. C'est spécial, hein? Donc les bains en bois. En 1650, c'était des bains en métal. La tôle en 1770. La tôle. Tu rouillais. La tôle, oui. Le zinc en 1840. Puis la porcelaine et la céramique étaient apparues au 20e siècle. Oui. Et c'est resté depuis. Ça fait pas longtemps, par exemple, quand non. tu penses à ça? C'est ça. Mais c'est beau. C'est ça. Ouais. Donc, au 19e siècle, quand les gens commençaient un petit peu plus à prendre des bains, mais comme on... Bon, on est plus loin que le Moyen Âge quand même, ouais. Mais à l'époque, c'est pas tout le monde qui prenait un bain parce que les médecins, les scientifiques là, pensaient que les microbes entraient dans l'organisme par les pores de la peau. Okay. Ben, fait que oui. Si on prenait un bain, ben on pouvait être plus malade qu'on pouvait l'être mm-hmm. sans en prendre. Fait que c'était pas une mesure d'hygiène très répandue. À l'époque de Napoléon III, lui, Napoléon, quand il a été emprisonné au fort de Ham, il voulait un complexe de bains qui avait coûté 1000 francs au gouvernement à l'époque, fait que ça devait être vraiment dispendieux, ben ouais. Là, si on reportait ça aux chiffres d'aujourd'hui. Lui, il prenait des bains avec de l'eau sulfurisée pour avoir une bonne santé, parce que supposément que ça soignait les rhumatismes, ça guérissait les plaies. Ah, donc, okay. Comme c'était un guerrier, si on veut, le Napoléon, ça, c'était bon. Par contre, vu que c'était de l'eau sulfurisée, l'odeur était assez épouvantable. Ouais, fait qu'après son bain d'eau sulfurisée, il prenait un bain dans une baignoire de cuivre qui tapissait d'un tissu blanc pour que ce soit plus confortable que juste être à côté directement sur le métal. Ensuite, en 1676, Madame de Sévigné, qu'on connaît pour avoir... on la voit là, sur les boîtes d'anis, là, les petits, ah, okay. les petits oui, bonbons oui. d'anis. Elle, c'est la première qui a pris... Bien, ou qui a fait une description qu'on connaît aujourd'hui historiquement d'une douche. Ah, OK. Donc, elle, la douche qu'elle avait eue, parce qu'à l'époque aussi, les douches étaient... on pensait qu'ils aidaient à soigner les rhumatismes aussi. Hein, l'eau aidait pour ça. Elle a dit à sa fille que c'était épouvantable parce que c'est l'équivalent d'une hose. En mm-hmm. fait, un peu. Et c'était de l'eau bouillante. Donc, et c'était mon Dieu. Vraiment pas une belle expérience. Donc, c'est la première qui a pris une douche. Puis là, il y a un docteur, le docteur de la Bosse. De la donc, Bosse. Et non de la Bosse. Médecin en chef de la prison Bonne Nouvelle de Rouen, là, donc en France, qui a, lui, imaginé le système de douche en pluie. Ah, ouais. OK. Donc, c'est lui qui a inventé ce système-là là, pour que ce soit moins... traumatisant. Et douloureux, mettons. Douloureux, c'est ça, exactement. Mais les difficultés qu'on avait avec les bains, hein, parce que là, on revient au sujet des bains, mais bains et douches, souvent... Ça va ensemble. Ça va bien, pas ouais. mal ensemble. Inévitable. Ben, c'était vraiment de les remplir. Hein, c'était assez long. Oui. Dans le temps, il n'y avait pas de champlure et tout ça. De le garder à la bonne température, aussi chaude qu'on était capable de tolérer. Ensuite, tout ce qui était question d'aérer les pièces. Dans le temps, il n'y avait pas de ventilateur comme on mm-hmm. en a aujourd'hui. Puis d'évacuer les buées et tout, tout ça. Donc, c'était pas super. Mais là, au 18e siècle, les médecins hygiénistes commencent à parler que se laver à l'eau courante, là, ça serait pas mal bon. Ouais, c'est ça. C'est peut-être une bonne idée. Là, fait que là, on se dit, là, on va investir là-dessus. Donc, en 1834, il y a Victor Considérant qui imagine un phalanstère où la chaleur tirée d'un calorifère géant alimenterait un vaste réseau de tuyauterie, équivalent de la tinque à eau chaude. Oui, OK. OK, hein? C'est pas mal ça. Donc, aujourd'hui... les bains sont répandus. En 1968, il y a un Américain qui a décidé d'inventer le jacuzzi. Ah, ben oui. Qui s'est prénommé Roy. Ah, j'aurais aimé ça qu'il s'appelle Jack, là. Ah, mais non, Jack. Mais avoue que ça fit un Roy qui invente le jacuzzi. Ça fit, hein? Moi, je trouve ça fit. Ouais, ça fait assez... Porn star, Roy. Ouais, Roy. Quelque chose. Ouais. Maintenant, autre sujet. Record lié à la bière. Bière, il me semblait aussi qu'il y aurait ça là-dedans. Ouais, fallait, fallait que j'en parle un peu. J'ai dit au déjeuner tantôt, bière. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bière. Donc, le record de la descente de la bière la plus rapide... L'ingurgité, là? Oui. OK. ...est détenue par un Américain qui s'appelle Steven Petrosino. En 1977, il n'a pas été battu à ce jour. Un litre de bière est descendu en 1,3 secondes. Petrosino, lui, est allé gazer à la bière pas mal. Boy, c'est quelque chose. Hein? Mettons que c'est descendu assez vite. Et ce gars-là, c'est un, ça n'a rien à voir, hein, à bière, être intelligent ou pas. Là. Pour votre information, elle d'ailleurs fait partie de la Mensa. Ouais, okay. Les gens les plus intelligents dans Le plus haut, c'est 1%, mais le plus haut pourcentage. C'est dans 98%. Là. Ouais, c'est ça. C'est percentile. C'est je pense le mot. Ça se pourrait bien, là. On se comprend. Donc, il y a lui. Si vous voulez un jour faire un barathon. Un barathon. C'est comme un bar à pain chez Pacini, ça. Un barathon, ben plutôt que faire un marathon, ben on court les bars. OK, hein, donc, on ben ton, oui. Okay. On s'en va la sur une rue. La fameuse tournée des bars. On rentre dans chaque bar. N'allez pas au Wisconsin sur la rue Lacrosse parce qu'il y a 360 bars sur cette rue-là. Moi, là, attends, là, la rue, elle a combien de longs? Je sais pas si c'est des gros bars, mais en tout cas, c'est ça, la c'est rue. Tu rentres, il y a juste une chaise. Ah, ça se peut. C'est ça. C'est des kiosques. Il y a beaucoup de bars per capita. Il y a aussi beaucoup de bars per connaissance, putain. Ou c'est peut-être juste des tonneaux, là, au coin de la rue. Ouais, quand même. Il y a un serveur américain qui s'appelle Oliver Strumfell qui détient le record du serveur qui a été capable d'apporter le plus de pintes de bière à la fois. Ah. Les bocs, là, les vrais bocs. Des bocs. Ouais. Avec combien? Une main? Les deux mains. Les deux mains. Au moins, quand même. Les deux mains. Pas sa tête, non? Sa bédaine? Non. Ouais. Je vais dire 20. Ah, ouais, tant que comptant ça. Comptant les deux mains, là. Ah, OK. Ben, je vais aller à 21. 27. Oh, j'ai gagné. Je gagne parce que je peux pas. Ouais, tu gagnes. Fait que les mains pleines, puis il y a un étage au-dessus. Ben, voyons donc. C'est quelque... Mais il n'a pas pu les donner aux gens, là. Non. Non. Prenez-les, là. T'es donc dans une piscine après. Là. Mais tu sais, lui, là, j'espère qu'il pensait qu'il n'allait pas rien échapper. Ça lui aurait coûté cher. C'est ça, parce que tu payes les bocs, puis tu payes la bière. Aïe, aïe. Puis pas de type. Puis pas de type. Ouais, ça, c'est surtout. La plus vieille brasserie du monde est où, à votre avis? Ah! En Allemagne? Ben oui. T'as plein de ressources. En Allemagne. Ils sont spécialistes, il me semble, eux autres, c'est ça? Mais ils sont quand même pas loin, hein? C'est pas les Irlandais, ça? Ah, j'aurais pu dire l'Irlande, ça aurait été encore meilleur comme réponse, mais j'aurais perdu. Mais t'aurais perdu. Pas de type pour toi. Ben oui, en Allemagne, donc c'est là, c'est pas facile à prononcer, là, la Weihenstephan Abbey. Moi, j'y crois. Oui, Stéphane Abbé, qui date de 768. Okay. C'est vieux. Wow. Vraiment. La bière la plus forte du monde vient d'où? Ah, la bière la plus forte du monde. Une bière noire, sûrement. Ouais. D'Afrique. Non, c'est une joke. C'est une blague, comment? C'est une joke. Je vais dire l'Irlande. L'Irlande, OK, oui. C'est bon. Elle est pas loin de l'Irlande, en Écosse. Ah! Donc, l'Écosse, c'est, oui, c'est une bière noire, la Snake Venom, 65% d'alcool. Une gorgée, man, t'es à terre. Non, j'essaierais, mais pas plus que ça. C'est déjà le bacon, là. C'est déjà pas ça, noir traditionnel. Tu sais, quand tu dis, je veux pas être cheap, quand je vais acheter une bière, on s'en partage. Ouais. Mais crime, ta soirée est faite, hein? Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, un record amusant détenu par Murali Casey. C'est un homme qui a réussi à décapsuler pas moins de 68 bières avec ses dents en seulement une minute. Mais non, une minute! Avec ses anciennes dents. Ses dents! Ouais, c'est ça, il n'a plus! Puis c'est une belle photo, là. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il y avait un dentier. Ah, voilà. C'est tout à la main. Fait que record lié à la bière. Souvent, quand on boit de la bière, ou en tout cas, moi, j'aime bien ça, on peut jouer à quelque chose. On peut jouer à des choses. Spin the bottle. Mais là, commençons par B. Ouais. Spin the bottle. Ouais, jouer à bouteille. B. Au bowling. On peut jouer au bowling, ouais. Bottoms up. Comme, tu sais, la bombe. Au baseball. Ouais. Bah, non, mais ça, tu bois quand tu regardes. Plein, hein, on est quand même pas bon. Pire. Mais à date, on perd parce que t'as, on a pas répondu à ta réponse. Non, non. C'est quoi? Le billard. Ah, ben oui. Mais c'est parce qu'on dit le pool, hein. Ouais, ça. C'est fait ça. Billard. Donc, le billard qui nous vient, en fait, d'un ancien jeu en 1309 qui s'appelait la chaule. La chaule. Donc, ce jeu-là se jouait sur des terrains de kilomètres de long. En fait, c'était deux villages qui s'affrontaient puis qui devaient apporter, crosse en main, une balle à travers des champs jusqu'au clocher de leur village respectif. Fait que la table de poule était grosse en maudit à l'époque. Puis il y a Philippe Lebel, un historien de l'époque, qui disait, bon, lui, historien, politicien, là, qui voulait interdire la pratique de ce sport-là parce qu'il y avait souvent des blessés puis même des morts. Ben là, oui. Je ne sais pas pourquoi, là, il se frappait là, avec sur ça. Main là, avec la crosse. Crosse en main. Fait que ça, ben, pour enlever ce jeu de fou-là, ben, ils ont penché plus vers le croquet. Ouais. Ah, c'est devenu plus petit et tout ça. Là, à savoir, le billard vient-il d'Angleterre ou de France? Il y a une grosse bataille là-dessus. Parce qu'il y a deux histoires qui sont arrivées quand même dans les mêmes années. Donc, en 1509, il y a un tailleur londonien, donc du côté de l'Angleterre, qui s'appelle Bill, qui, lui, pour se divertir, poussait des billes sur son comptoir du bout de son maître de couturier. Qui a inventé le Bill's Yard. Bill's Yard, comme une verge yard. Ou billard, le maître de Bill. Maître, oui. Du côté des Français, c'est le roi Louis XI qui, lui, était perclus dans son lit à cause de la goutte, donc qui était assez fréquente c'est à cette époque. Pied, là. Oui. La goutte. Ça, il me semble que c'est oui, pied, c'est une maladie au niveau des pieds. Ouais. Ah, moi, j'avais pas la bonne place pour la goutte. Ah ben! Non, donc, c'est pas ça. Il était pas capable de se pencher puis il voulait quand même jouer chez eux. Fait qu'il a décidé de faire monter le jeu de croquet sur une table. Ah, OK. Et pouvoir jouer avec le bâton de croquet, mais en utilisant le bout plutôt que la tête. Donc, et le manche qu'on utilisait était appelé le billard. Ben, donc, moi, je trouve que c'est lui qui gagne. La goutte peut être à plusieurs places. Hein. C'est une crise d'arthrite aiguë par les dépôts de cristaux d'urate dans les zones sous-cutanées et par une atteinte rénale. On s'appelle au rein. Rien... Oh, ben, c'est pour ça. Moi, ouais, j'avais rien, pipi hein. En tête. Voilà. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Donc, il y aurait ça. Donc, on a peu à peu perfectionné la technique de frappe, évidemment. En 1823, il y a Mingo. Là. Bon, il y a tout le temps des jeunes, même, dans l'histoire, hein, qui n'ont pas de prénom. Ouais. Mingo. Ça, c'est bizarre. Ouais. Lui, il a rajouté au bout hein, de la baguette de billard, la petite rondelle de cuir. Ah, ouais, ben c'est oui. Ça. Qui me fait qu'on peut faire des effets grâce à ça pour ceux qui sont bons. En cuir, ça, je sais pas. Non, non plus. Ben, je pense qu'elle est en place. Maintenant, en cuir, maintenant. Je pense que la qualité de la baguette. Ouais, du Q, là. Peut-être. Donc, voilà pour le billard. Ensuite de ça, les bouchées d'anniversaire. Tu sais, je suis. Des amuse-bouches. Ah, ben. Oui. Ouais. Les bougies d'anniversaire, juste pour bougies, dire... excuse-moi. Ben oui, comme les chandelles. Boucher. Bougies d'anniversaire. Bon, je perds mon son. Arrête de perdre ton son. Je m'entends pas. Donc, la bougie ou la flamme d'une bougie qui était utilisée hein, à l'origine comme source de chaleur, évidemment, et d'éclairage, pour éloigner aussi les ténèbres et rassurer l'être humain depuis la préhistoire. Hein. C'était rassurant, la flamme, là, cet effet-là. À l'époque des Grecs et des Romains, on utilisait les bougies d'anniversaire pour protéger des démons, celui qui célèbre sa fête. Okay. Fait que c'était à ça que ça servait, les bougies d'anniversaire. Fait que c'est juste ça que je voulais vous dire au sujet. Au sujet des bougies. Des bougies d'anniversaire. T'as soufflé ce sujet-là assez rapidement. Mignon comme, ben oui. Comme idée. Ouais. Fait que je me disais, ah ben on pourrait reprendre ça aujourd'hui, c'est pas fou. Bien. Brosse à dents maintenant. Ah, brosse à dents. Moi qui s'en vais chez le dentiste demain pour me faire arracher une dent, là, parle-moi pas de ça. Non, mais c'est le premier rendez-vous pour m'arracher une dent là, que j'ai depuis l'âge de 12 ans. Là. Mais ouais, ça me fait peur. Fait que rassure-moi avec ça, brosse à dents. Brosse ben, à dents. Elle va t'en donner une si t'es gentil. C'est vrai. Puis de la soie dentaire, puis tout. Yeah. Ouais, quand même. Avant, hein, on mâchait des choses pour se nettoyer les dents ou pour avoir meilleure haleine. Ouais. Donc, on mâchait des plantes. On utilisait toutes sortes d'ustensiles. Comme des cure-dents en bois, en plumes, en épines, et même en poils de porc-épic. Ça, c'est drôle. Hey, wow, c'est cool, ça. Hein? C'est ça tellement beau, les poils épiques. Hein? Watch-moi le cordon, là. C'est quand même long, ouais. 6 pouces de long, en tout cas, je sais pas si c'est assez long. Donc, la brosse à dents, comme on la connaît aujourd'hui, date de 1498. C'est une invention des Chinois. Ah! Et non des Français. Merci. Fait que j'étais bien contente. Moi, du français. Quand même, il y a plein d'affaires que je trouve que c'est des Français. C'est vrai. Donc, elle avait des poils de sanglier piqués sur un manche en ivoire. Donc, c'était vraiment un outil plus de luxe. De luxe, ouais. Cher, que pour tout le monde. Dans le temps du règne de Louis XV, alors on revient du côté des Français, mm-hmm. Là, bon, c'était vraiment un objet de luxe. La brosse à dents de Napoléon, hein, on a parlé pas mal aujourd'hui de lui, était faite de poils de sanglier et son manche était en vermeil. Wow. Donc, il ne devait pas vouloir la perdre, sa brosse à dents. C'est en France, on revient là encore, à Beauvais, qu'il y a eu la première fabrique de brosse à dents appelée la brosse et Dupont. La brosse et Dupont. Ah, c'est le nom de famille du gars, la brosse? La brosse et Dupont, sûrement, j'imagine. Émile Dupont, oui, c'est ça, dirigé par Émile Dupont. Donc, la première entreprise de brosserie. Une brosserie, comme, c'est comme drôle. La brosserie. Donc, c'était la soie de blaireau, de chèvre, de sanglier ou de porc, mais c'était très artisanal, puis comme c'était pas pour tout le monde, ben c'était ceux qui avaient envie d'en avoir une. En 1780, il y a un Britannique, William Addis, qui va créer les premières brosses à dents en série. Donc, des tailles différentes. Lui, ce qu'il va ajouter, c'est qu'il va avoir des tailles différentes pour les hommes, les femmes et les enfants. Okay. Ensuite, les Américains, donc H.N. Wandsworth, lui, va fabriquer des brosses à dents avec des poils de soie de porc de Sibérie. Ah, OK. Mais c'est sensible aux bactéries, ça séchait mal. Puis, les poils de porc de Sibérie, supposément que c'est très agressif sur les gencives. Non? Tu devais saigner pas mal quand tu utilisais cette brosse à dents-là. C'est la société américaine Dupont, c'est bizarre, hein, encore un Dupont de comme tantôt, de Nemours qui introduit la fibre synthétique de nylon. Ah, OK. Donc, en 1938. Donc, encore là, on est pris avec des problèmes de dureté parce que les premiers fils de nylon, c'était raide. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que l'habitude de se brosser les dents devienne quelque chose qui est vanté. Tu sais, qu'on dit, il faut brosser vos dents tous les jours parce que c'est le gouvernement américain qui a imposé ça au GI. Okay. Ah! Donc là, c'est devenu plus dans nos mœurs. Et là, petit à petit, ben, les fibres de nylon sont devenues plus souples. Dans les années 50, on a inventé les manches en celluloïde, là, pas, plutôt qu'en bois ou n'importe quoi d'autre, ben, ou en os, là. Et le laboratoire pharmaceutique Squibb, là, j'ai pas douillé, là, malheureusement, celui-là, en 1961, a inventé la première brosse à dents électrique. Ah! Très pratique, quand même. Très pratique. Ce qui fait qu'on peut faire comme chez le dentiste. Et voilà. Et voilà. Si on n'aime pas le dentiste, on peut prendre la petite brosse à dents. J'ai eu trop d'expérience de dentiste. Je suis retourné chez le dentiste avec ma soeur pour son rendez-vous. Que je la voyais faire, puis j'étais comme, j'ai pas hâte de C'est le même matin. La dernière fois que j'étais allée, mon hygiéniste avait changé de bureau, puis on était à côté du bureau du dentiste, puis tout le long, on entendait la fraise. Ah non! Je capotais. Elle dit, on va entendre la fraise tout le long, ça te dérange-tu? Mais là, qu'est-ce que je fais? Je veux même pas que tu me parles de ta fraise. Non, c'est ça. Donne-moi des bouchons. Bref. Fait que pour finir, vocabulaire en bref. Oui. Hein, j'aime toujours vous lancer quelques mots de vocabulaire avant des bribes. De partir. L'adjectif bambochard signifie. Je vais vous en faire questionner quelques-uns, puis il y en a que je vais vous annoncer. Okay. Donc, bambochard, c'est un adjectif qui signifie qui aime la bamboche, qui est faire la fête. Ah, bambochard. Que quelqu'un de bambochard, c'est un fêteur, dans le fond. Puis quand on dit bambocher, ben c'est mener une vie faite de bons repas et de parties de plaisir. Ah, OK. Fait que c'est un autre mot à utiliser. On a un restaurant sur la rue des Forges qui s'appelle le boulevard des Forges, Baraka. Oui. Vous êtes-vous déjà demandé c'est quoi que ça veut dire, Baraka? Non. Oui, et la maison Baraquette, mais ça, tu ne le diras pas. Donc, Baraka. Maison Baraquette sont tout le temps en solde. Hein? Ah, c'est vrai. C'est en permanence. C'est Baraka, je trouve que ça fait grec pour baklava. Baraka. Un baraka, là, t'as toutes les sortes de cas. Ça doit être une olive, une sorte d'olive. Une sorte d'olive. Une sorte d'olive. Ben, c'est un mot arabe, en fait. Ah, okay. Donc, c'est un nom féminin qui signifie chance. Ah! Lucky! Fait qu'on dit avoir la baraka, ben, c'est avoir la chance. Est-ce que c'est des mets arabes, au baraka? On sait pas ça. Je sais même pas c'est où. Ça me dit rien, moi. Je sais que ça existe, mais je suis jamais allé. Je sais que vous semble que oui, c'est. Oui, le marocain. Je vais chercher par là-dessus. Le marocain, il y a des tagines, puis tout ça. Fait que là, je le sais, ça, mais là, il m'échappe. Si quelqu'un en Suisse traite une femme de bedoum. C'est pas le truc pour faire du café, ça, de bedoum? Je dis que ça va être une prostituée suisse. Je sais pas. Je trouve que c'est une insulte. Ok. Moi, ouais. C'est Badum Badum, sais-tu jouer? Fait que c'est sûrement une comptine. Ben, ça veut dire que c'est une femme stupide. Ah. Fait que la femme stupide pourrait lui répondre par un mot masculin néerlandais, puis lui dire « Toi, mon espèce de bilitre! » Bilitre! Bilitre! Bilitre! Imbécile! Ouais, ok, je vais aller avec ce mot aussi. Ouais. Ouais. Ben, homme de rien ou coquin. Ah. Donc, bilitre signifie homme de rien ou coquin. C'est quasiment positif, coquin. Ben, presque. Ça dépend. Presque. Méchante insulte. As-tu trouvé? Ah oui, c'est un restaurant de cuisine Maroc, Tunisie, Algérie. Exact, c'est ça. C'est quand même bon. Ouais, cool. Ils font un très bon thé à la menthe. Bah. Le verbe bigler, verbe intransitif du latin bisoculare, donc qui signifie loucher ou avoir les yeux de travers. Bon. Donc quelqu'un qui bigle, c'est quelqu'un qui louche. Bigle. Brésiller, c'est un autre verbe qui signifie réduire en poudre ou tomber en poussière. Mmh. Et finalement, que veut dire buller? Buller. Moi, je veux dire crier. Ouais, crier de joie, ouais, dans les bulles. C'est peut-être avoir quelque chose qui te vient en tête. Là. J'ai fabulé, tu sais. J'ai bulé. Ah. Ouais, voilà. Ben, ça veut dire présenter, soit physiquement, quand tu te brûles, là, ou qu'il t'arrive quelque chose, tu présentes des cloques ou des bulles. Ah. T'as un enfant, tu me fais bulé. Ah, c'est ça. C'est bulé. Bulé. Ou encore, dans le vocabulaire plus familier, ça signifie rester à ne rien faire ou paresser. Ah! Fait que plutôt que de dire je vais chiller, ben je vais buller. Netflix and bull! Le Netflix and bull! Ah, voilà! Superbe ça, merci beaucoup! Ben, ça me fait plaisir! Et son Vire-Dictionnaire, il nous reste une dernière chronique du Vire-Dictionnaire. Pas ta dernière chronique à vie, espérons-le! J'espère que non, moi non plus! Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'émission, t'as tout le temps fait des va-et-vient. Tu t'en vas, tu reviens, tu t'en vas. Avec les rentrées scolaires et exact. Tout ça. Exact! Mais là, ce sera pas pour le Vire-Dictionnaire, ce sera pour autre chose, mais on en parlera plus tard. Ben il nous oui. reste encore la chronique de la lettre A la semaine prochaine. Je suis contente puisque l'histoire sans fin aura une fin! Ah, enfin, on boucle la boucle et on tourne la page et on ferme le livre. Donc, ce sera le 19 avril pour la dernière chronique du Vire-Dictionnaire. Eh oui! Merci, Véronique. Ça me fait plaisir! On prend une pause au retour. Ce sera une grosse pointe d'adresse. On va manger quelque chose juste pour vous. Ça va être pas mal bon. Mmh. Oh oui, ça. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 4 mars, en direct le mardi 5 mars 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Alors, on n'a pas dit depuis le début de l'émission, mais nos heures ont commencé par différents thèmes. Donc, Renard Frac en première heure, en deuxième heure, Iris Duplasmic en première et Ludwig Gunson en troisième. On dit de moins en moins au fur et à mesure que la session avance, mais il faut remercier nos fidèles collaborateurs à nos chansons thèmes de Sondage Requis. Maintenant, tiens, une chanson thème que tout le monde connaît parce qu'elle est tellement redondante et on s'est approprié l'idée d'avoir une grosse pointe entre les mains. Donc, voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse à la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté en épicerie, en magasin, en dépanneur, un endroit qu'on ne devrait pas visiter parce que c'est des produits de malbouffe. Des choses qui sont pas bonnes pour la santé. On va essayer de contourner les règles que Véronique Mire, qu'on a gardées pendant la semaine, elle se fait des menus qu'elle me disait à ronde. Oui! C'est vrai, hein? Là, on parlait de bouffe, ça me donnait faim. Je disais, grosse pointe d'adresse, on va rester. On a parlé de plein de bacon tantôt, donc continuons, mais cette fois-ci pas avec du bacon, mais avec des peanuts. Oh, des peanuts! Parce que je sais pas. Moi, je pense. T'as vendu le punch?

Oui. Ouais. Si tu lèches tes lèvres, là, c'est salé plus. Vraiment, ouais, il y a comme c'est très salé. C'est super bon. C'est bizarre parce que, pour vrai, on n'a pas moi, en tout cas, j'ai jamais vu une barre avec des peanuts comme enrobage autour. C'est vrai. C'est vraiment original. Et j'espère que ça va avoir un énorme succès pour avoir d'autres saveurs. Parce que s'il y en avait une au chocolat et peanuts, des trucs comme ça, ça pourrait être vraiment bien. Vanille, peu importe. Ben, des peanuts au barbecue. Oui, absolument. Il pourrait être tout ce que les Planters ont en pot. C'est vrai. Ils pourraient faire des barres avec. Le milieu est très intriguant. C'est super, super bon. Honnêtement, c'est pas écrit avec nougat sur la... l'emballage, donc tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas. Ton micro 5 est vraiment trop fort pour toi. Prends le micro 4. Ok, merci. Et voilà, c'est fait. Le micro magique est vraiment, excuse-moi, je l'ai appelé par son petit nom, là. Micro 5 comme un fancy. Micro magique. On l'appelle micro magique ici, ok? Micro magique. Fais attention. Je vais devoir lâcher ma bouchée parce que je pourrais pas faire de nouvelles sinon. Parce qu'on a plein de nouvelles de fast-food à faire dans cette chronique-là. Commençons par le bazooka. Les amis, c'est 50 cannolis en un seul. Donc, les pâtissiers chez Patisseria Caruso à Sydney en Australie ont augmenté la grandeur de cannoli avec leur création qui s'appelle le bazooka, un méga dessert qui consiste en des cannoli remplis en fait, c'est un gros cannoli rempli de 50 petits cannoli. Et ça a attiré beaucoup d'attention sur Internet. Ça a mené à ce que Patisseria Caruso montre aux gens comment le faire à un événement en Australie. On peut voir des photos. C'est une pâtisserie avec de la crème intérieure. Si je cherche même un cannoli définition pour avoir ce qu'il y a exactement dedans. Attends, normal, c'est de la mousse. Italien, c'est ça. C'est un dessert italien. C'est comme une crêpe frite avec de la mousse dedans. Ben, pas besoin de Wikipédia. Merci, Tania. Wow. Ça fait plaisir. C'est fort quand même. Donc, un énorme cannoli. J'écoute Masterchef. Ah, voilà, les émissions de cuisine, c'est tellement bon. Ensuite, des mini-beignes fabriqués dans une mini-cuisine. Oui, c'est quoi? J'ai vu ça. Petite vidéo qui fait le tour d'Internet en ce moment. Donc, on fabrique des mini-beignes avec de mini-ustensiles dans une mini-cuisine. Ça amène une super grosse joie sur Internet. Est-ce que t'as vu qu'il a fait des mini-spaghettis aussi? J'ai pas vu les mini-spaghettis, non. Mais on voit que en tout cas, c'est filmé de très, très proche. Et ses doigts sont très, très gros, donc on peut voir l'échelle un peu. Mais c'est vraiment mignon. Très mignon, mais en même temps, ça remplit pas un trou, en fait. Ça remplit zéro trou, mais contrairement au bar Planters qui te remplit un trou, Tania. Je me demande vraiment comment il fait. Oui, ben, il y a du talent. Tu sais, comment tu fais pour tremper ta donut autant que ça, sans que ça brûle? Puis il y a un petit mini coup de coup. Ah, mais c'est là qu'ils ont recyclé les ailes du Père Noël. Ah, est-ce qu'on entend la voix du gars? Non, il n'y a pas de voix. Hein, parce que j'aurais aimé ça s'il avait parlé très, très aigu, comme un minuscule petit chipmunk. Comme un elfe. Ensuite, un camion de bière a foncé dans un camion de chips. Tu parles de combo, toi. Un crash, donc digne des meilleures histoires d'amour. C'est un camion qui transportait de la bière Bush, qui a foncé dans un camion qui livrait des croustilles Frito-Lay à Brevard County, dans la Floride. Ça a envoyé des centaines de sacs, des centaines de bières et des sacs de chips sur l'autoroute. Oh, quel gaspillage. Ben, j'imagine que les gens ont couru après ça. En même temps, une bière qui était brassée, peut-être que ça va t'exposer dans la face. Ouais, c'était peut-être pas mieux d'y toucher. Puis des miettes de chips, c'est pas bon. C'est bon, mais tu veux pas un sac au complet de chips parce que ça se mange mal. Ouais, mais ça a l'air d'être fait de nuit, fait que de toute façon, il ne devait pas y avoir grand monde, là. Voilà. Peut-être qu'il en reste encore. Peut-être. Ensuite, congeler des choses en 10 minutes. Exactement, ça s'appelle le freeze that. C'est un rack à comment est-ce qu'on appelle ça, un truc pour faire des glaces, là, un bac à glaçons. Voilà, qui est fait exprès pour geler en 10 minutes. C'est en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. En ce moment, on peut donner jusqu'à 22$. L'Internet adore ça. La petite vidéo de 1 minute 53 en ce moment, on pourrait l'écouter un petit peu en... est-ce qu'on a le son ici? Je crois que oui. Attention, son s'il vous plaît. Donc, pour faire de la glace en 10 minutes juste, c'est un bac qui est fait en genre de d'hexagone, un peu comme... ça me rappelle une ruche. Je trouve, on dirait un honeycomb, si on veut. Donc là, après 10 minutes, il sort son bac à glace normal et l'eau coule. Alors qu'avec son bac en 10 minutes, ça fonctionne encore. C'est un principe scientifique. J'imagine que c'est parce que c'est divisé en petits triangles. C'est super facile à... tu peux tordre le truc parce que c'est fait en silicone. Et tous les triangles vont sortir. Et tu peux empiler plusieurs, un par-dessus l'autre. Ça prend pas beaucoup de place dans le congélateur. Il est bien content de ça. Il est comme une face d'adolescent, mais les cheveux gris. Excusez. C'est des choses pertinentes comme ça qu'on a besoin de ta part. Mais tu me demandes de juger les choses. Juge le gars dans le juge le plus possible. Tu vois qu'il met des cocktails dans son bac. Sûrement pas des cocktails, parce que des cocktails, il y a de l'alcool, ça gèle pas, c'est ça. Mais ça fait comme de la gelée un peu. Ça fait comme de la slush. Il fait aussi des petits pops avec ses triangles. Mais une garantie, 10 minutes. Voilà. Comment savoir? C'est très bon, 10 minutes pour faire des glaçons. C'est sinon, tu mets vraiment moins d'eau dans un bac à glaçons normal, puis ça marche vraiment. Bon point, bon point. J'avoue. Mais bon. Tu t'en reviens de bord, puis c'est déjà... Mais le modèle, le look est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment... Ça fait scientifique, là. Ouais, moi, j'aime bien ça, en tout cas. Là, tu parles pas du gars, le top modèle qui annonce le produit. Lui aussi, il fait scientifique, mais... Et ses cheveux gris. Ah, t'as rien. Il y a juste le bout des cheveux gris. C'est comme s'il y avait une rallonge. C'est comme s'il y avait une repousse de teinture pas faite encore. Avec une belle chemise pêche. Pâle. Ouais. Wow. Là, ça, c'est de la vidéo description. Ça, oui. Ça. On paierait pour ce genre de choses. Hey, tu peux faire des cubes à café. Oui. Ah, ça, c'est le fun. Ah, pour vrai, j'achèterais ça n'importe quel. Wow, ça sortait dans bon, le commerce. Ben, cool. Ouais. C'est fun. Kickstarter, 22$, t'as dit? Oui, 22$. On peut aller voir s'ils sont rendus à leur but. Ça me surprendrait qu'ils ne soient pas rendus à leur but avec un produit comme celui-là. On s'entend que c'est assez, assez malin. Ça s'appelle le Freeze Dat. Ils ont tellement dépensé, ils sont rendus à 66 000 sur 15 000$. Ah, c'est sûr qu'ils ont dépensé avec ça. Wow. La facilité à sortir les cubes, je pense, juste pour ça, ça vaut la peine. C'est vraiment cool. Il reste encore 18 jours et pour vrai, j'ai déjà commandé des affaires sur Kickstarter et je les ai souvent reçus. Pas toutes les fois, là, mais parce que c'est pas un magasin, on rappelle Kickstarter. Mm-hmm. Mais. Ça arrive que tu reçois pas tes affaires. Ça arrive parce que c'est, dans le fond, tu payes pour l'idée. OK. Tu payes pas pour un produit, une garantie de produit. Okay. Mais la plupart du temps, je dirais que c'est quand même assez. Ça arrive souvent. Ça arrive la plupart du temps. Ensuite, les restaurants Red Robin aux États-Unis qui lancent leur nouveau Ramen Burger. Ils restent à la mode, les Ramen Burger. Burger, c'est quand même assez populaire en Asie. Donc, c'est la première chaîne de restaurants casual qui offre. Casual, ça veut dire que c'est pas un restaurant assis avec un menu, là. Bon. Mais c'est pas non plus du fast-food, c'est comme entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, le burger, c'est du ramen assaisonné croustillant qui compose donc à la place du pain, c'est ça. À l'intérieur, t'as une boulette de hamburger. Teriyaki, du chou chow aioli, donc c'est une sauce c'est à l'ail. Ouais. Épicé. Exactement. Et puis c'est un medley donc, de choux effiloché à saveur de chili, de la carotte, des carottes, oignons et du basilic frais. Pour l'introduction du burger, Red Robin va célébrer la journée Red Ramen Day le 19 avril prochain. Ce jour-là, les 22 premiers étudiants universitaires ou collégiens qui vont arriver au restaurant avec une carte étudiante valide va avoir un Red Ramen Burger et un Bottomless Steak Fries pour seulement 22 cents. C'est le coût moyen d'un paquet de ramen aux États-Unis. Ah, c'est donc cool. C'est pour ça qu'on a choisi ce prix-là. Il va y avoir un rabais de 2,22$, encore une fois des multiples de 22 cents pour le nouveau burger le même jour dans les restaurants participants des États-Unis et ça va être pour un temps limité jusqu'au 5 juin. Et la texture doit être assez spéciale. Moi, j'y ai pensé aussi, hein, parce que ça a l'air que c'est pas... Tu sais, est-ce qu'ils font cuire puis après ça, ils font frire? Je sais pas, bonne question. Je pourrais pas te répondre parce que je faisais n'importe quoi, mais d'après moi, pour donner vraiment un croustillant, ça doit être bing bang de même. Ouais, c'est sûrement pas. Wow. Sûrement pas Ça doit être difficile pour les dents. Oui, c'est ça, je me disais. Ça doit s'effriter assez rapidement. Absolument. C'est chic sur une date. Ouais, là, c'est ça. Puis ça se fait mal, puis tu prends une bouchée, puis ça défait. Finalement, c'est pas une bonne idée, allez-y pas. Non, c'est bien. Mangez-le, pilez-le. Oui, c'est ça. Tu le pètes en morceaux. Faites-vous un ramen, point, mais rajoutez de l'eau. Mettez-le dans un sac. C'est ça. Ça se mange mieux avec un sac comme des ramen. Découpe ta boulette, puis après ça, rajoute de l'eau, ça te fait un ramen. Mais maudit que je le laisserais quand même. Ensuite, on a déjà parlé plusieurs fois des Burger King noirs. Mm. Maintenant, Burger King sort le hamburger rouge. Oh! Il y a même une critique sur le site TheImpulsiveBuy.com pour ceux qui veulent en savoir plus. On s'appelle donc en 2009 que Burger King avait sorti le Angry Whopper avec des tranches de jalapeno, du pepper jack cheese, des rondelles d'oignon épicées et une sauce fâchée et piquante. Donc maintenant, le nouveau Angry Whopper arrive, mais très très fâché. C'est le Angriest Whopper. C'est une bœuf en boulette. Du bacon épais. Je sais pas s'il est de centre, comme celui que préfère. Ah, je sais pas. Il est très épais. Même sur la photo, ça se voit qu'il est épais. Absolument. T'as du fromage américain, ce qui est leur nom pour du fromage orange. Cheddar. Orange. C'est comme ça. Ou genre Monterey Jack. Tout est américain pour eux autres. Hein, ouais, tout. La laitue iceberg, des tomates et des pétales d'oignon fâchés. Je sais pas ce que ça veut dire, pétales d'oignon. Jalapeno, mayonnaise et une sauce épicée sur un pain sésame rouge avec de la sauce piquante à l'intérieur du pain. Ça dit que c'est disponible maintenant chez Burger King aux États-Unis. Oui, c'est on l'a pas ici? Non, pas encore. Hey, ça a vraiment l'air bon. Dans cette chronique-là, je dirais que, à moins que je le spécifie, c'est rare. C'est très, très, très, très, très, très, très, très, très rare. Il y en a ici. C'est malheureux parce qu'on est plate de même au Canada. Ouais. Maudit. Un restaurant, tiens, parlant de choses rouges, un restaurant à Wales offre des rabais sur leur burger aux roux. Ouais, au hey, mais c'est-tu pas les frères royaux? Ben oui, c'est les frères royaux. Royaux. Royaux. Royaux. Royaux. Ah, c'est Charles et Harry. Oh, ben, elle connaît leur nom. Donc, oui, selon clairement. Je connais ma hiérarchie. ta hiérarchie, tu vois. C'est William et Harry, en fait. C'est C'est vrai, ah! C'est William. Charles, c'est le père. C'est ça. Enlève-tu ses pantalons, puis elle le reconnaît. Ah non, c'est parce que je me disais, c'est quel que je trouvais cute quand j'étais jeune? C'est pas Charles. C'est William. C'est William. Hey, là, vous me perdez. Selon le Telegraph, Mark Lineker de Ginger's Grill, avoue, le nom du restaurant est cool, Ginger's Grill à Wales, dans Prestatyn. Donc, offre un rabais de 20% aux clients qui ont les cheveux roux parce qu'ils ont envie de les récompenser parce qu'ils le méritent. Le site web de l'entreprise ne fonctionne pas encore, mais leur page Facebook promet un burger gourmet, des shakes, des gaufres et du poulet piri-piri à ceux qui visitent pardon, à la place d'ici la fin du mois d'avril. Non, lorsque ça va ouvrir au mois d'avril. Lineker dit qu'il rend hommage à la communauté dont il fait encore partie, même si maintenant il a la tête rasée. Ça va être donc une journée heureuse pour les ginger, les gingembre et roux, qu'on appelle, de la place. Mais William, me semble, il est pas roux entièrement. Là, il est comme blond. Ouais. Mais là, il n'y a plus beaucoup de cheveux sur la tête. C'est ça. Il commence à se rapprocher du gars du bar. C'est Harry qui va y aller à la place. Harry! Avec Ron Weasley. Ils vont y aller. Ben oui, hein, quand même. Ils viennent de la même place. Dans le même hood. Ils vont y aller main dans la main. Mais tu sais, les autres, ils ont des shakes hein, dans les restaurants. Il y a pas bien de restaurants ici hein, qui a des shakes. Les fast-foods, des fois, ont des shakes. Mettons, je pense que c'est Harvey. Wendy's. Dairy Queen à Montréal. Ouais. Et en Ontario. McDo, pendant un bout, on avait il y a quelques années des shakes c'est aussi. Vrai? C'est belle fun ça. Mais moi, on dit que je sais pas, les gens aiment pas ça. Peut-être qu'il y a plus de gens intolérants au lactose qu'on mais parle. Encore aux États-Unis, les McDo ont des shakes. Ah ouais, hein. Oui, les Shamrock Shakes, le shake vert à la Saint-Patrick, entre autres chez McDonald's. Mais voilà. Les shakes chez Wendy's sont tellement épais, là. Pour vrai? Faut vraiment que tu siphonnes raide. Mais pour vrai, je pense que c'est mon fast-food préféré. Mettons, en termes de ce qu'on a de disponible, je dirais IW, mais en tout, je dirais Wendy's en vrai. Ah ouais? Avec le Baconator. C'est rempli de bacon. C'est Baconator. Baconator. Bref, les compagnies de liqueurs, maintenant, aux États-Unis, annoncent un nouvel ingrédient, le sucre. Oui, le sucre. Le sucre. En fin d'année passée, Pepsi a commencé à introduire un nouveau breuvage. On a parlé de ça la semaine passée, c'était 1893, leur soda fait avec du vrai sucre, from the makers of Pepsi Cola. Mais donc, c'est ça, on pense que le sucre est mauvais pour nous depuis toujours, mais tant qu'à boire la liqueur, il y en a qui préfèrent boire la liqueur avec du vrai sucre. Bon, c'est vrai. Ça attire les gens, plus que le sirop, le high fructose corn syrup. Ah! Le sirop de maïs, là, à saveur élevée en fructose. Bref, donc les produits maintenant s'appellent souvent « natural ». À la place de dire « sucré » avec du vrai sucre, ils vont dire « natural » parce que du sucre, c'est naturel, alors que du sirop de maïs, ce n'est pas. Donc, une étiquette qui, en tant que telle, ne veut rien dire selon les règlements américains. Le mot « naturel » peut être utilisé à tort et à travers. Il n'y a pas vraiment de définition pour ça. C'est très populaire en ce moment. Donc, il y a des compagnies qui vont utiliser du stevia pour leur liqueur, mais il y a aussi des gens qui utilisent des compagnies qui utilisent du sucre. Et comme on disait, Pepsi-Cola, celui qu'on voit sur la photo sur assemblagerequis.com et que j'ai envie de goûter parce que Véronique, comment j'aime ça, le Pepsi-Cola à la cerise. Oh mon Dieu! Fait avec du vrai sucre. Tellement bon. Ça, hey, mais bon. Dis-tu, mettons, sur la canne, tu sais, dans les. Ben, ou en tout cas, sur la caisse, là, tu sais, une cuillère à thé de sucre, ou ils disent-tu la quantité? Vu que là, ça se mesure vraiment, là. Je pense pas qu'ils aillent en cuillère, ils doivent y aller en nombre de calories, d'après moi. Ouais, hein, ça va être plus sucre. Ils sont pas du genre à dire, vous buvez présentement ça 12 cuillères. Ça serait pas winner, ensuite, un vrai hamburger. Tu te rappelles, le hamburger, c'est un personnage chez McDonald's, le voleur de hamburger. Oui. Bon. Donc, un vrai hamburger qui a volé 33 caisses de Whopper chez Burger King à l'arrière d'un camion de livraison. 33 caisses? 33 caisses, c'est passé dans le... Je crois que c'est Michigan, M.I., il me semble. Oui. Ouais. Donc, à Warren, dans le Minnesota. Ils sont tous pareils. Colline de Bean. Minnesota, c'est M.N., je pense. Michigan, ça arrête l'allure. M.I. State, on va chercher ça sur Google. Abréviation. Michigan, Amy. Bon, on l'avait. C'est bon. Donc, c'est dans le Michigan, c'est passé à Warren. Le chauffeur de ce camion semi, qui transportait des hamburgers, prenait une sieste au travail. Ils font ça des fois, ils se mettent sur le bord de la route, prennent une petite sieste selon le Detroit Free Press. Et les journaux ont dit « It's a whopper of a theft ». Un whopper de vol. donc, c'est jeudi soir, il y a quelques temps. Donc, le conducteur qui était supposé amener les produits chez Burger King essayait de livrer plusieurs caisses de hamburgers à un centre de distribution. Même pour une certaine raison, il a dû attendre plusieurs heures avant de régler la livraison. Il s'est endormi dans son camion, s'est réveillé à 2h du matin pour trouver que le seau de son camion avait été brisé et plusieurs boîtes de whopper avaient été volées. Donc, il a barré le camion avec un cadenas et tout ça. Il est retourné se coucher. À la place de régler le problème tout de suite. Peut-être que je m'en suis rendu compte plus tard. Ils sauront jamais. Anyway, ils n'auront pas le temps de toutes les manger. C'est ça. Il s'est réveillé donc à 8h30 et au moins un voleur avait volé son cargo, 33 caisses de hamburger. La police maintenant cherche ce hamburger, mais ils vont avoir besoin de l'aide du public. Voilà. Mais c'est les boulettes, dans le fond, qui ont volé. C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Parce que tu peux pas voler. Les hamburgers sont pas préfaits, là, quand même. Ils ont été volés par McDonald's. Peut-être. C'est déjà mauvais du Burger King s'il fallait en plus que leur pain puis tout ça, c'était juste comme un gros. Hey, c'est comme des dépanneurs, tu sais, des couche-tard qui ont des hamburgers enveloppés dans du papier d'aluminium. Que oui. Mais ça reste là comme genre 3-4 jours. Il faut l'agent de conservation. Le fromage est transparent, transparent. La viande est comme plein de morceaux. Mais voyons donc, c'est dans le frigidaire, là! C'est dans un réchaud. Mais ça reste là 24 heures sur 24 dans le réchaud. Tu sais, les hot dogs, il y a un gros roulement. Ah oh, oui, les pointes de pizza. Oui, pis, il y a probablement un roulement dans les pizzas aussi. Je sais que les hot dogs, il y a un bon roulement, mais les hamburgers, pour moi, ça reste là pas mal longtemps. Arc. Bref. Wow. Ensuite, vous connaissez la campagne de Coca-Cola, partager un Coke avec les prénoms. Là, tu oui. peux trouver ton nom, oui, Véronique. Oui, oui. Bon, Véronique, ça se trouve bien. Tania avec un grec. Mathieu avec un seul T, ça dépend. Ben, tu sais, moi, si j'avais Véronique pas écrit comme faux, mais Véronique, je serais contente. Tu bois la barrette. Ouais. Donc maintenant, la campagne Share a Coke, qui était un énorme succès pour Coca-Cola, essaie d'aller encore plus loin en donnant des paroles de chansons. Sur les bouteilles, donc un petit peu moins personnalisé parce que bon, ça va être les paroles de chansons les plus populaires du moment, j'imagine. Donc des exemples sur BuzzFeed News, des paroles de chansons comme Lean on Me de Bill Withers, We Are the Champions de Queen. Donc c'est quelques exemples. On aurait des titres de chansons, I'm on top of the world, All I do is win. Ça, c'est là je les connais pas. Oui. Mais bon. I'm on top of the world. Hey, I'm on top of the world. Ah ouais, ben ouais. Non, ça te dit rien. Non. Donc, vous allez pouvoir chasser, partir à la chasse, oui, de votre parole de chanson préférée à partir du mois d'avril aux États-Unis. Les bouteilles vont être disponibles pendant tout l'été. Coke prévoit diffuser différentes chansons, différents genres de musique dans différentes régions basées sur la recherche de l'endroit. Donc, un peu comme on s'adapte avec les prénoms au Québec, au Canada, les paroles de chansons vont être ciblées au pays où on diffuse ces bouteilles. Ensuite, c'est une machine extracteur à jus mais qu'on peut connecter à son Wi-Fi mais qui ne peut pas mettre en jus vos propres fruits. Hein? C'est des capsules à la Keurig, à la peu importe. Ah, voilà. Hein? Donc, le fondateur de Organic Avenue, qui est une chaîne de restaurants qui a fait faillite, qui vendait des wraps et des jus beaucoup trop chers, lance un juicer, comment on appelle ça en français, connecté par Wi-Fi à 700$. Un extracteur à jus. Extracteur à jus. C'est bon. Donc, la compagnie s'appelle Juicero. Et on veut, dans le fond, qu'on achète des pods pré-coupés, pré-emballés, livrés chez vous. Et ensuite, on insère ça dans l'extracteur à jus pour créer du jus. C'est supposé être plus pratique d'acheter des fruits et le faire soi-même, apparemment. Ah, OK. Donc, utiliser Juicero a l'air plus facile, nous dit-on, selon les tests de TheVerge.com. Mais c'est pas plus facile que de juste acheter du jus, déjà. Ben là... Parce que là, t'as le jus, qui est très, très, très facile. T'as à l'autre extrémité, faire oui, son propre jus et t'as le milieu. Ce qui arrive avec le fait que t'achètes ton propre jus, c'est qu'il y a du sucre ajouté. Ah! Vrai? C'est pas marqué naturel. C'est ça. Vrai. Mais il y en a sûrement des vrais jus naturels en magasin, non? Oui, c'est juste qu'ils coûtent vraiment cher. C'est ça, mais ils vont probablement coûter moins cher que des pods que tu vas acheter pour faire tes jus, là. Probablement, oui. Probablement. Ah, mais la vidéo est vraiment poche, tu sais. Ouais, vraiment. Tout le monde qui font leur jus ont tellement l'air gnochons, ouais. Là, tu te dis là. C'est une info plus classique, cas, là. Ouais, c'est ça. Bref, allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Il y a plein d'autres choses dans l'article, plein de détails que je pourrais vous dire qui seraient sûrement pertinents, mais on doit quand même passer à un autre sujet. Starbucks, maintenant, qui veut que vous choisissiez votre case horaire pour faire une réunion dans Outlook pour aller chez Starbucks. Ah, mais oui, rien de moins. Tu sais, donc Starbucks essaie de miser sur Microsoft Office. C'était la conférence Microsoft Build récemment à San Francisco. Jerry Martin Flickinger chez Starbucks, qui est arrivé sur scène pour présenter le modèle, le plugiciel, un add-in, un ajout à Microsoft Office qui s'appelle Starbucks. Donc, c'est qui va te permettre non pas de commander un café dans Word, mais à la place de choisir une heure et une journée pour une rencontre, un rendez-vous, et envoyer peut-être des cartes cadeaux à vos amis et votre famille pour aller chez Starbucks. Donc, on choisit, bon, mercredi matin à midi, on s'en va chez Starbucks pour faire une réunion. Il y a le logo de Starbucks qui apparaît. Processing de votre carte de crédit, etc. Pour acheter donc une carte cadeau. C'est dans Outlook que ça va fonctionner, dans Word et dans tous les autres, j'imagine, logiciels de Office. Ça précise pas s'il y en a d'autres. Donc le calendrier vous invite donc. C'est ça. Invitez vos amis pour aller prendre un café. Il y a automatique qui va être envoyé pour que vous puissiez commander à l'avance. Donc okay. Le café va déjà être prêt. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à un Uber, mais pour vous. Mais déplacer c'est pas vers. Fou. Tu sais, quand t'as des partenaires d'équipe, là, poche, là, qui sont jamais là, pis tout ça, hey, moi, je te donne le café, tu sais, ouais. C'est pas pire. T'invites les gens à aller prendre le café, mais des petites pâtisseries à 8 pièces chaque. C'est ça. Ensuite, Pepsi Light, Pepsi Diet, qu'on appelle ici, crée une bouteille dumbbell pour que vous puissiez boire votre soda tout en faisant de l'exercice. Hein? Faut commencer en disant que ça n'a pas été manufacturé ou distribué, ça n'a jamais sorti de la phase test, mais quand même, on en parle. Donc, Pepsi essaie d'être plus santé en transformant un Pepsi 2 litres en dumbbells de 2 kilos. Hein? Seigneur, c'est vraiment débile. Pepsi Diet qui est déjà 100 calories. C'est vraiment n'importe quoi, surtout. Là. Ça a une joke de poisson d'avril, ok. Mais ce n'est pas. Hey, le rack est écœurant pareil. Là. C'est pour installer plusieurs dumbbells par dessus l'autre, comme ça, ouais. Tu pourrais installer, mettons, peut-être plus qu'une douzaine, 2, 4, 6, 7, 14, une quatorzaine de bouteilles de Pepsi dans ton garage. Bon, en tant que tel, c'est ça, il n'y a pas de calories dans ton Pepsi Diet, fait que probablement que tu prends pas de poids nécessairement en le buvant, fait que je sais pas trop à quoi ça sert. Design cool et fonctionnel, disent-ils, et c'est un vrai design qu'ils ont vraiment testé, ils ont juste pas encore produit le produit. T'as-tu lu ce qu'ils disent à la fin? On vous recommande de boire le Pepsi Diet Dumbbell et par la suite de remplir la bouteille d'eau. De soit eau, sable okay. ou encore de petites roches. Ah. C'est pas une mauvaise idée. Puis la marque Pepsi Diet reste dessus, fait que c'est quand même cool. Y en a qui disent que ça aurait pu être du Gatorade ou quelque chose d'un petit peu plus sportif. Mais que oui, du Pepsi. Ouais, mais avec les bulles en plus là. Oui. Hey. Mais puis je veux dire, il faut que tu boives ton Pepsi pas mal de temps après parce que brasser ton Pepsi. Ben, ouais, hein? Je pense pas qu'on lève un poids par en avant. Je suis en train de mimer un par en ben, avant. Ben, tu peux le faire de toutes les bars que tu veux. Mais je peux aussi ne pas le faire de toutes les bars. Ensuite, ça c'est vraiment une nouvelle vraiment stupide. Ça commence à dater, mais j'ai trouvé ça drôle. Ça date du début du mois de mars. C'est en Virginie-Occidentale. Les fermiers et les fans de lait cru. Vous savez ce que c'est de lait cru qui est pas pasteurisé, pas homogénéisé? Oui. Donc c'est le lait qui sort directement de la vache. Ah, oui. Faut pas boire ça apparemment quand ça sort de la vache parce qu'il y a des raisons qui ont fait les processus par après et qui ont inventé ces affaires-là. Mais bref, justement, on a légalisé en Virginie-Occidentale la vente du lait cru aux clients. Il y a des délégués de la ville qui ont commencé à boire des verres complets de lait cru dans une ferme locale. Certains ont pris juste des gorgées, mais c'est drôle parce que par hasard total, les gens ont attrapé une maladie gastro-intestinale. Ah ben oui, tu sais. Coïncidence ou ironie, nous dit consumers.com. Donc apparemment c'est une coïncidence selon le délégué Scott Cattle. Mm-hmm. Bref, les délégués qui l'ont essayé sont tombés malades, mais pas tous. Et ceux qui n'ont pas essayé le lait sont aussi tombés malades pour certains. Apparemment qu'il y a des maladies qui peuvent circuler dans au travail. Donc il y en a qui sont pas convaincus que c'est à cause du lait. Ben non, parce que moi j'en ai déjà bu du lait frais cru. Là. D'une vache direct? Ben, pas direct, là, mais c'est du lait frais, puis tu sais, j'ai des amis qui avaient une ferme laitière, puis faut pas que t'en boives trop, parce que c'est extrêmement gras. Moi, oui. J'avais eu mal au ventre toute la nuit, là, mais c'était pas une maladie, là, c'était juste que c'était trop gras, là. Mais ça peut être que ça dépend des vaches, ça dépend des régions, ça dépend peut-être de plein de choses. Ouais. Peut-être, on sait pas, mais bon, on n'est pas des... Ça dépend peut-être des outils utilisés. Ça, peut-être aussi. Bref, c'est ça, allez voir le reste de l'article. Il y en a qui disent que certains préfèrent la saveur du lait pas pasteurisé de vache, ça a des bénéfices, des avantages pour la santé, mais on dit que la pasteurisation tue les bactéries, les virus et les parasites comme le colis et la salmonelle. Donc, et le statut légal dépend d'état en état. Il y a des états qui interdisent la vente complètement de ces produits-là. Dépêchons-nous, on essaie d'enclencher quelques dernières. Là. J'aimerais ça en avoir le moins possible pour la semaine prochaine. Les enquêteurs qui parlent d'une vidéo dans une usine où les gens faisaient pipi. Urinait sur la ligne d'assemblage de céréales de Kellogg's. Mais voyons donc. Ouais, donc pour ceux qui aiment pas leur... Rice Krispies! En plus, pour ceux qui aiment déjà pas leur céréales molles, comme dit l'article. Oh mon Dieu! Donc, c'est le U.S. Food and Drug Administration's Office of Criminal Investigation qui est présentement sur le cas. Et la compagnie a dit dans un communiqué de presse via l'Associated Press qu'après que Kellogg ait appris que la vidéo avait été diffusée sur Internet, la compagnie a immédiatement envoyé une alerte à la police. La vidéo est en ligne présentement sur assemblagerequis.com. Ça montre un homme en train de se vider la vessie sur la ligne d'assemblage des céréales. La caméra ensuite montre une pancarte avec le logo de Kellogg's et la compagnie dit que la vidéo a été enregistrée en 2014, donc ça reste vieux, c'est pas récent. Ouais, mais le gars il travaille peut-être encore là. il le fait encore peut-être. Est-ce qu'il montre sa face dans la vidéo? Je crois qu'il y a un flou sur la face du gars. Ouais, j'espère. Ouais. Il montre son teeny weeny. Ouais, son cric, crac et croc. est-ce que je vais avec... Donc, je pense que ça finissait quand même bien, ça. Ça finissait bien, cette chronique-là, ouais. Ah, maudit, j'ai vu qu'il y avait du Twix tartinable. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Ben oui. Voilà, donc assemblagerequis.com pour les notes d'une grosse pointe à l'adresse. Merci à Véronique Mire qui est restée pour cette chronique-là. Ben, ça me fait plaisir. On s'en va entendre une pièce de musique. C'est quoi le prochain band qu'on fait tirer, Tania? C'est Rosie Valant. Oui, et qui d'autre? Il y a Pandaléon aussi et Cosmophone. Donc, on va entendre du Pandaléon avant de se quitter. Parlons du concours. Donc, on vous propose des paires de billets pour ce spectacle-là qui aura lieu au Tipetac. Exactement. Eh bien, le spectacle, c'est le 9 avril. Ça va être, comme je le disais, Rosie Valant avec Pandaléon et Cosmophone. Pour ceux qui connaissent pas trop ça et qui voudraient savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est, eh bien, on a fait jouer du Rosivalent en début d'émission. Ouais. C'est vraiment style folk, indie rock, aussi jazz. Alors, si c'est le style de musique que vous aimez, bien, envoyez-nous votre chanson préférée d'un des trois bands en message privé sur la page Facebook d'Assemblage Requis ou encore appelez-nous. Il reste très peu de temps à l'émission, ouais. Mais appelez-nous pendant la chanson. Quel numéro, Mathieu? 819-376-5183. Pendant qu'on écoute une pièce de Pandaléon qui est sur le palmarès francophone en ce moment, c'est la pièce Retour. Donc, on attend vos appels. On a assez de parts de billets pour faire les deux. Donc, l'appel est pour les auditeurs du mardi au 819-376-5183. Les auditeurs qui nous écoutent soit mardi, soit en rediffusion. Il reste encore un petit peu de temps. On rejoue. Il y a un spectacle qui est vendredi soir, hein, c'est oui, exactement. Je pense que c'est lui, le 9. Ouais. Donc, vendredi soir, on va être en rediffusion si ça vous tente de Participer. C'est le 8, vendredi. Ça va être Hayne Cooper avec Foreign Diplomat. Donc là, on a 4 paires de billets à faire tirer. Donc, vous avez encore le temps. Et d'ici là, sur Facebook, sinon, ça. Par téléphone, 819-376-5183. On écoute la pièce de Pandaléon. Voici Retour et on vient pour se dire au revoir dans quelques instants. Vous êtes à Assemblage Requis sur C'est fou. Ce retour par Pandaléon et on remercie nos gagnants. Oui, Vincent L. Sicard qui gagne une paire de billets pour le spectacle de Rosivalent le 9 avril. Donc, c'est samedi pour le spectacle de Rosivalent et le spectacle de Hayne Cooper qui est vendredi. Eh bien, sachez qu'il vous reste encore quelques temps pour nous envoyer votre chanson préférée des deux artistes en message privé sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ouf! C'est fou, 89.1 FM, si vous désirez mieux. Et on vous dira à ce moment-là si vous remportez une des paires de billets. Toutes les places sont bonnes et c'est Tania qui va s'occuper de ça. Donc, parlez-lui puis essayez de la soudoyer un peu. Voilà. C'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Qu'on a donc eu du plaisir avec Véronique Mire, qu'on remercie, qui va être de retour dans deux semaines. On espère avoir d'autres chroniqueurs qui vont joindre à nous d'ici la fin de l'été, maintenant qu'ils voient que l'émission est vraiment le fun. Ben oui. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, restez à l'écoute parce qu'on est toujours en direct les mardis entre 15h et 18h. À 19h sera réanimation. Ensuite, on repasse les vendredis entre 17h et 20h après nous, Skypunka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h après nous, c'est Palmarès du Monde, CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados de Diffusion. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Et on se quittera avec une pièce du palmarès francophone de Fred qui s'appelle. C'est quoi son. C'est 10$. 10$. Voilà. On se quitte là-dessus. Et puis, passe une belle semaine. Bonne semaine. Bye.